Mais dites donc, Calvin Harris et Rihanna sont encore numéro 1. Presque 5 mois de présence dans le classement. C'était le tube de l'été. On l'a encore pour quelques semaines, c'est sûr. À la rentrée, ça marche encore. Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For pour ce premier Eurodance d'automne. Oh, ça fait bizarre d'heure, ça dans ma bouche. 25 septembre, on souhaite une belle soirée. On va se retrouver tout à l'heure pour Party Fun Deep, histoire de prolonger le week-end. Une heure de son deep house, de son chill, de son indie dance, du disco. Ça va être juste un pur kiff. On retrouve tout à l'heure à minuit, 22h, le night show. Ils sont beaux, ils sont en pleine forme. Je suis content de les retrouver. Salut. Salut. Bonjour Doc. J'aime bien cette grosse voix. Bonjour Doc, ça va? Ouais, très bien. Et on, vous voulez vous pêcher ou quoi les gars là? Pourquoi pas? Ça va Miko, je trouve que t'as une petite voix Miko, t'as l'air un petit peu fatigué. Oh ma petite semaine de croisière, comment te dire que 2 heures de sommeil par nuit. Miko il a fait une croisière quoi, sans déconner. Ah la classe, c'est fort. Radio, il y avait Maïva. C'est juste pour nous narguer là. Non pas du tout, il y a des vidéos qui tournent. Ouais c'est ça, c'est pour nous narguer. T'es allé où avec ta croisière hein? Alors, on a fait Ajaccio, on a fait Rome, on a fait Naples, on a fait Ibiza et Barcelone. Lucas est venu, Bruno et Elliot sont venus aussi. Et Lucas a fini à la piscine. C'est notre directeur d'antenne. Il a fini à poil dans la piscine. Il a fini habillé dans la piscine. Ah oui d'accord. Donc voilà. Bah merci beaucoup Miko. Bah merci à vous en tout cas. Bah repose-toi bien alors. Bah je vais essayer de me reposer. Il y a plein de messages, il y a plein d'invitations d'amis qui étaient là à la croisière. Donc voilà, je les embrasse tous. La team Sandy, la team Nico, la team Wawa, Vincent Emeline, Claire Didou, Aldouine et tous les autres. Il y a 1400 personnes, on a bien rigolé et j'espère qu'on remettra ça l'année prochaine. Voilà. Ciao Miko, salut. Salut. Salut. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love 20h, 22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end. On est très content d'être avec vous, de vous retrouver là en pleine forme ce soir sur Fun Radio. 20h, 22h, Love in Fun qui démarre pendant 2 heures, c'est votre émission de libre antenne. Vous allez pouvoir vous lâcher là au standard, hein. Commencez déjà à nous appeler là, 01 42 48 5000. Je m'appelle Karel, il est avec Salut. Nous tous les soirs. Salut. Bonsoir Doc. Ça va Doc? Oui bien sûr. Bien sûr, ça va passer un bon week-end Doc. Très bon, comme toujours. Meilleur que le mien, j'étais malade tout le week-end. Ah oui mais toi tu te plains, moi je me plains jamais. Ah et non sans déconner, attends, ça va. Même quand ça va bien je me plains pas tu vois. Ah mais je sais, mais on te supporte tous les jours Doc. Non mais je suis sûr qu'il y en a pour qui ça va bien et qui se plaignent quand même. Oui, non, mais là, quand on est malade, on a le droit de se plaindre. Oh, ça va, pas, tu vas pas nous casser les pieds pour un petit rhume. Bah, regarde la voix dégueulasse que j'ai, sans déconner. Oui, bien sûr, bah oui. À côté de la tienne. Oui, bien sûr. Je pèse pas lourd. Comment ça va, Alice? Bah écoute, ça va. Moi aussi, ça me picote un peu dans la gorge. Ah, tu vois? Elle a le droit de se plaindre aussi. Mais je ne me plaindrai pas. Arrêtez de vous embrasser. C'est une constatation, Benoît. Arrêtez. Tout le monde est malade. Voilà. Non, il n'y a que vous deux. Enfin, non, c'est pas vrai. Oh. Cassim était à un mariage ce week-end. On se demande pourquoi d'ailleurs. Il était là-bas pour pécho, j'imagine. Ouais, carrément. Ça va alors? T'as ramassé ou pas? Presque. La mariée? Ouais, non, pas la mariée. Ah, bon. Non. Vas-y, raconte, c'était comment ce mariage-là? Ah, c'était sympa, c'était très sympa. J'ai essayé, mais il y avait une ou deux go qui étaient pas mal. Il y en a une qui ressemble à Louane. Ah ouais? Mais Louane écrasée par un camion. Donc je l'ai vue, elle était de dos, elle était sympa, elle était blonde, elle avait un petit cul et quand elle s'est retournée, j'ai flippé. Ah non! En fait, tout ça, il s'est rien passé pour lui ce week-end, c'est vrai, mon amour. Voilà. Parce qu'il galère, c'est un galérien. Godefroy est à l'arrière, ça va mon Godefroy. Bisous. Ouais, nickel, j'ai partagé un sneakers avec Lisa Razou tout à l'heure. Ah ouais, c'est un ouais. Qui travaille dans la même maison que nous. Il y a plusieurs radios et alors c'est. Bah, il me l'a payé. Ah ouais? Ah ouais? Non, je rigole en fait. T'es carrément en kiff sur Lisa quoi. Ah bah, il était bon défenseur. D'accord, ok. Ah ouais, non, mais je me pose de plus en plus de questions sur Godefroy qui est attiré maintenant par les footballeurs. Et bien sûr, Signé Guillaume qui vous attend au standard. Ils vont nous passer le premier auditeur de la soirée. C'est notre auditeur du soir avec qui on va faire de la radio pendant les 2 heures. C'est Thomas. Salut Thomas! Salut Karel, salut le doc, salut Thomas. Salut Thomas, t'as 17 ans et t'es de Dunkerque. C'est ça. C'est toi qui vas faire de la radio avec nous? Bah ouais. Bah ouais, ça te plaît ou pas? Bah oui. C'est toi qui l'as. Bah voilà, et pourquoi tu voulais faire un petit peu de radio avec nous ce soir? Bah je sais pas, ça peut être pas mal, réagir à toutes les... Bah tous les sujets à l'antenne. Tous les sujets, voilà. Bah tu vas te détendre mon Thomas, c'est vrai que c'est pas facile comme ça d'être à l'antenne, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, d'accord Thomas? D'accord. Allez, et on va accueillir Antoine. Antoine, il a 26 ans de Saint-Nazaire. On va attaquer très très fort cette émission, je vous le dis. Bonsoir Antoine. Bonsoir les petits loups. Salut. Salut petit loup. Salut Karel, salut le doc, salut Alice. Antoine, c'est une journée particulière pour toi aujourd'hui, je crois. Voilà, ouais, c'est ça même, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, ça fait 2 ans que je suis avec ma compagne. Ouais. Voilà, je suis chauffeur routier. Je suis pas toujours présent avec elle. C'est même très rare, on fait des grosses semaines. Ouais. Voilà, donc ma compagne est enceinte de 3 mois. Ah, félicitations. d'ici quelques jours, on va savoir le sexe. Ouais. Et bon, bah, j'espère qu'elle va dire oui, mais ce soir, je voudrais la demander en mariage. Attends, j'espère qu'elle va dire oui. Non, mais attends. Bah oui. Elle est enceinte, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, tu l'as jamais trompée? Je l'ai jamais trompé, voilà. Et bon, bah, de mon côté, j'ai trouvé la salle, j'ai trouvé le curé, j'ai tout trouvé. Il reste plus que le oui, quoi. Bah oui, c'est ça. Le fameux oui que Doc a eu, d'ailleurs, quand il a demandé Katoche en épousailles. Exact. En épousailles, voilà, c'est alors, ça même. Alors Antoine, on va lui passer un petit coup de téléphone. Tu vas lui demander si elle veut bien t'épouser. Ok, bah on fait comme ça. Alors on ferait quand même une grosse connerie de t'épouser. Ouais, au pire des cas, j'épouserai le Doc. Ouais, allez, j'ai déjà pris. C'est parti, je suis sûr que vous êtes un couple formidable. On va appeler Amédine, elle a 26 ans et ce soir, elle ne s'attend pas à ce que Antoine la demande en mariage. Voilà. Putain, je vais chialer si elle dit oui. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, ma chérie, ça va ? Oui, ça va. T'es où, là ? Je viens de me garer, là, je suis sur la route de retour. Ah bon ? Bon, ok. Bah écoute, j'avais quelque chose à te dire ce soir, et puis bon, je me dis, ça fait un bout de temps que j'y pense. J'en ai parlé à 2-3 copains dans le transport et tout, on m'a pris pour un fou. Mais je dis, bon, tu sais bien que bah moi, c'est toujours des trucs fous à chaque fois que je fais quelque chose. Oui. Bon, donc là, je me lance. Malade, oui. Voilà, ouais. Et je sais qu'il y a quelque chose qui tient énormément à cœur, que tu écoutes tous les soirs. Oui. Je sais que tu adores Fun Radio comme moi. On dit toujours que Fun Radio, c'est la famille. Combien de fois je me suis levé le matin avant 6h pour pouvoir mettre Fun Radio, même mes jours de repos. Oui, et moi c'est l'inverse, dis... c'est le soir. Et toi, c'est voilà, c'est le Doc et Karel. Donc je me dis, bah pourquoi pas. Donc ce soir, je voudrais te dédicacer un message très spécial. Voilà. Ma chérie, je suis tombé amoureux de toi dès la première fois. Dès la première fois que je t'ai vu. Le chemin de nous deux n'a pas toujours été facile à cause de mon métier. C'est vrai que je suis jamais là. On se croise en coup de vent avec ton métier, mon métier. Oui. Voilà, t'es enceinte de 3 mois. Voilà, on va bientôt être parents tous les deux. Et je suis heureux à tes côtés. Donc c'est pour ça que ce soir, je voudrais dédicacer l'émission que tu es en direct sur Fun Radio en ce moment même, avec le Doc et Karel. Je voudrais en profiter de cette émission. Ouais, si, ils sont bien présents, c'est pas une blague. Je voudrais en profiter, voilà ma chérie, pour savoir, écoute, est-ce que tu veux m'épouser, oui ou non. Bah bien sûr que je vais t'épouser. Ah bah ça fait plaisir. Elle a dit oui. Elle a dit oui, bravo. Félicitations. Voilà, bravo. C'est pas une blague, c'est bien en direct sur Fun Radio. Amédine. Oui. On s'est demandé ce que t'allais demander parce que tu tournais autour du pot. Bah attends, ça va, Doc, c'est un moment important. C'est une déclaration, quoi. C'est normal. Qu'est-ce qu'il va lui demander? Bon, bref. Bah, on sait maintenant que. Voilà. Bah, attends, toi, t'as fait ta déclaration en 2 secondes, comme ça, là? Affirmatif. Ouais. Ah, mais franchement, moi, je trouve ça hyper touchant ce qui vient de se passer. Bah, oui, entre Antoine et Amédine. Amédine. En 2 ans, il a jamais fait ça, donc. Eh ben, voilà, eh ben... la preuve que les routiers, on n'est pas tous des gros cons qui pissent sur leur roue, quoi. On non, bah attends, t'as jamais pissé sur tes roues? Bah si, c'est tout le monde, quoi. Ah bah alors. Ah ouais, non mais attends, d'où on pisse sur ses roues maintenant? C'est bizarre. C'est quoi l'histoire? Je suis pas au courant. Pour les arroser. Amédine. Ah, dans le transport, c'est ça, voilà. Amédine, oui. tu as dit oui. Oui, j'ai dit oui. Ça veut dire que nous sommes invités au mariage, alors? Bah écoutez, bien sûr. C'est la chose que je voulais faire. Ça, c'est, on m'a toujours pris pour un fou. Voilà. Il veut Bruno et moi je veux Karel et Doc. Donc Ah bah voilà. Super. Donc, ah bah, franchement, je profite de l'émission ce soir en direct parce que je sais que. Moi je suis avec Catherine. Hein. Voilà. Donc je sais que tout le monde s'écoute, que ce soit Bruno, Vacher, Elliot, Karina Siamère, Mika Rokia, toute l'équipe du GPI. Ouais. Je sais que Marion et Anso écoutent aussi en ce moment même. Ouais. Donc j'espère que leurs oreilles sont bien grandes ouvertes. Ouais. Parce que le 12 août 2017. À la mairie de Messé, dans le 61, à ouais. côté de Fer. Je vous veux tous présents. Et je vous veux tous présents à mon mariage, la famille. Eh ben, écoute. Ah, c'est cool. Le 12 août, tu nous le dis. Le 12 août, voilà. D'accord. Je vais vous dire quelque chose. On a tous vu Projet X. Ouais. Eh ben, je veux du Projet X. Ah, ouais. Tu sais qu'à ce moment-là, ta femme, elle peut coucher avec un autre mec, hein, si c'est une soirée Projet X. Hein. Je te dis, fais quand même attention. Hein. Parce que c'est j'ai clair. Toujours dit, je veux du Projet X, je veux finir sur BFM. Ah, ok, d'accord. Donc, pour son mariage, Antoine veut brûler des maisons. Eh bien, écoutez, moi je dis oui, bravo. On vous souhaite beaucoup de bonheur, en tout cas, Amédine et Antoine, et félicitations encore pour le bébé qui va bientôt arriver. On vous embrasse très très fort, Amédine. Elle est très touchée, très émue. On peut le comprendre. Oui. On t'embrasse très très fort, Amédine. Merci beaucoup de votre fidélité à tous les deux. Merci à vous. Et puis un gros bisou à la Bretagne. Salut. Ouais. Salut Antoine. Gros bisou. Salut à BZH. Salut Antoine. Bisous. Ciao ciao mon pote. Et Lucie nous accompagne là maintenant sur Fun Radio. 15 ans de Boulogne. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Salut Carré. Salut Doc. Salut Alice. Tu l'as entendu ce petit moment d'émotion là, Lucie? Oui, c'était trop mignon. C'était trop mignon. Félicitations à eux d'ailleurs. T'es amoureuse toi, Lucie? Non, mon copain. Non, j'ai quitté mon copain il y a pas longtemps. Ah merde. Oh pardon. Bon, on change de sujet. T'appelles pourquoi, Lucie? Parce que il y a pas longtemps, on est rentré en contact avec des morts et je voulais savoir s'il y avait des risques. De rentrer en contact avec des morts. Ah, tu vas nous expliquer cette histoire. Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec des morts? Comment ça s'est passé? Si d'ailleurs ça vous est déjà arrivé, 01 42 48 5000. Et on va écouter Sib avec Breeze sur Fun Radio. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Da da da. Don't drown your heart, baby. Just breathe. Don't drown your heart. Just breathe. Don't drown your heart, baby. Just breathe. Don't drown. C'est Breeze sur Fun Radio. Love You Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et connecté bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Facebook, le Twitter, hashtag Love In Fun, le Snapchat aussi. N'hésitez pas à nous ajouter. Il y a des stories tous les jours à maté. Le Snapchat de l'émission, c'est Love In Fun Radio, tout attaché. En attendant, on va accueillir Lucie. On va avoir peur avec elle, je vous le dis. Lucie, elle a 15 ans et nous appelle de Boulogne. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Salut. Et t'en as le week-end, ils vont au Cinoche, etc. Je crois que Lucie, elle fait complètement autre chose. Oui, mais ça fait pas peur, justement. Ça interpelle et ça intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, si on parle des esprits, moi, ça me fait peur. Ouais. Raconte-nous, Lucie. Bah, en fait, on était avec des potes au lycée. Oui. Et il y a un monument aux morts au lycée. Et mes potes, elles sont entrées en contact avec un esprit qui s'appelait Bernard. Bernard, oui. Bernard. Oui, et en fait, au départ, elle ne savait pas qu'il était noté sur le monument aux morts. Mmh. Et elles sont allées vérifier, et il y avait son nom et son prénom. D'accord. Et au début, on n'y croyait pas et tout. Et après, elles nous l'ont montré. Il y a une de mes potes qui a pris un crayon, qui a posé sa main sur le papier, tout ça. Ses doigts ne bougeaient pas, le crayon bougeait tout seul. Mmh. Et du coup, après, je les croyais toujours pas, mais ça s'est vraiment fait. Et après, elle avait carrément mal à la main, j'avais mal à la tête après. Et je me demandais s'il y avait des risques, en fait, quand on entrait en contact avec les morts. Je vais de mort. Non, il y a des gens, des médiums, qui effectivement ont peut-être une sensibilité exacerbée, on ne connaît pas les mécanismes. C'est loin d'être expliqué scientifiquement, c'est peut-être mieux comme ça. Mais non, non, il n'y a jamais eu de mort par les morts. Ouais, non, moi, j'ai pas trop compris le concept, en fait. C'est-à-dire que c'est quoi ce truc de feuille? C'est une écriture automatique. C'est ça qu'elle veut dire. Et probablement guidée par un esprit, c'est ça qu'elle veut dire. Elle demande si le fait d'avoir eu des conséquences, si j'ai bien compris, je me trompe, tu me dis, le fait d'avoir mal à la tête, d'avoir des crampes dans les mains, est-ce que ça peut être dangereux pour sa santé, c'est ça? Non, si ça peut être dangereux, parce que... Oui, c'est ce que je viens de dire. Genre, est-ce qu'il peut faire plus que donner mal à la tête ou avoir... Ah bon, non, je pense pas. On entend plein de choses sur ces sujets-là. Moi, j'ai entendu dire que parfois, t'avais des mauvais esprits qui s'installaient dans ton corps. Oui, ça, c'est autre chose. C'est c'est pour ça que t'as des médiums qui te font des passages, des trucs comme ça. Le premier mauvais esprit, c'est l'inconscient, hein. Et voilà, mais non, je pense pas qu'il y ait des gens... Oui, c'est sûr, non mais attends, t'as raison, parce que il y a quand même des exorcistes, et notamment chez les chrétiens aussi, tu as ça, parce qu'on considère qu'il y a un mauvais esprit qui effectivement manipule. Qui est dans ton corps, quoi. L'exorciste qui effectivement fait fuir le diable ou quelqu'un d'équivalent. Ça s'est toujours fait, ça se fait encore. Et là, c'est toujours pas flippant pour toi, Lucie Bah si, justement, ça nous fait flipper, en fait. Bah parce que, franchement, moi, j'ai touché un petit peu à ça, vite fait, quand j'étais jeune, et parce qu'on lisait les bouquins d'un de mes meilleurs potes, son père, en fait, qui était vachement intéressé par ça, et il nous avait vu fouiller dans ses livres, il nous a dit, plus jamais vous fouillez dans ces livres, c'est hyper dangereux, moi, j'ai failli avoir des problèmes, et en fait, c'était des trucs par rapport au diable. Ouais, bon, oui, d'accord. Tu sais, c'est des trucs qu'on sait pas, quoi. Oui, bah, y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, je suis assez d'accord, et ce serait bien prétentieux de dire qu'on sait tout. Ça arrive souvent que vous rentriez en contact avec des morts, Lucie? Vous lui avez demandé quoi au mec, à Bernard? On lui a pas demandé grand-chose. On nous fait deviner des trucs sur lui, en fait. Genre, c'est quoi, ces questions pour un champion? qu'est-ce qu'il a dit? Question. Non. Qu'est-ce qu'il a dit sur lui? Bah, qu'il avait une femme et une fille qui s'appelait Emily, qui était avec lui là, dans le lycée, en fait. Et que... Oui, vas-y. Non, mais ça, c'est... Oui. Et que du coup, bah, il n'était pas tout seul et tout ça. Et en fait, il nous a aussi dit qu'il avait adopté sa fille. Enfin, il voulait pas en parler. Et vous pouvez pas vérifier ça, du coup, après? Bah, non, enfin, je sais pas si on peut le vérifier ou pas, mais... Bah, enfin, renseignez-vous sur ce Bernard, essayez de savoir s'il a une fille. À ce moment-là, c'est une preuve, quoi. Ouais. Attends, c'est une histoire de malade, hein. Et t'avais mal à la tête après? Mais oui, j'avais. Genre pendant tout le cours de chimie, j'avais mal à la tête. Ouais, mais ça c'était la chimie, ça. Parce que si tu veux, il y a aussi un mécanisme. Un peu trop d'azote. Il y a un mécanisme extrêmement simple. Ça gère une tension cérébrale importante, pour utiliser des mots simples, une tension du cerveau, et que cela peut générer des contractures musculaires qui peuvent elles-mêmes générer des douleurs, des céphalées importantes. Donc ça, rien que ça, le fait d'avoir été extrêmement tendu, voire inquiet. Peut générer des maux de tête, tout simplement. Ouais, voilà. Donc c'est pas forcément l'esprit, en fait, Lucie, tu vois. D'accord. Ouais. Mais c'est pas anodin, hein. Quand tu fais un truc comme ça, forcément, ça te travaille, quoi. Est-ce que t'as envie de répéter l'expérience ou pas, ou est-ce que tu as peur? Ah non, parce qu'après, j'avais l'impression d'être suivi toute la soirée, donc non, je veux pas réitérer l'expérience. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, ça te fait peur, quoi. Lucie, écoute, voilà, il n'y a pas de risque a priori, quoi. Personne n'est mort des morts, comme t'as dit, Doc. Hein. Donc, voilà. T'inquiète pas, d'accord, okay. Lucie? Ok. Hein, en attendant, c'est peut-être faire autre chose, draguer des mecs et tout, je sais pas. Hein. Ouais, non. Salut ma Lucie. Salut Lucie. Tu peux passer une dédicace? Vas-y, ouais, lâche-toi. Passe une dédicace à Antoine qui m'écoute et qui est fan de vous. Bah, gros bisous à ton poteau là, et salut à toi Lucie. Thomas, t'as déjà essayé de faire ça toi, notre auditeur du soir? Bah non, j'ai jamais essayé, mais bon, ça fait quand même un peu flipper l'histoire de Julie, je trouve. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Bah, si vous avez déjà essayé, dites-nous, venez nous raconter comment ça s'est passé, là, 01 42 48 5000. On sera avec Thomas tout de suite, 22 ans de Toulouse. Bonsoir, mon Thomas. Salut, Thomas. Salut, tout le monde. Salut, Thomas. Salut. T'appelles pour quoi, toi? Ben, moi, je rappelle pour l'appel à l'aide de lundi soir. Pour le club à Toulouse. Absolument. C'était un grand moment dans l'émission. T'avais rencontré une nana en boîte et voilà, tu l'avais perdue. On l'avait retrouvée. Tu vas nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé après le coup de téléphone. On va tout réécouter dans un instant. D'accord, Thomas? Pas de souci. Après Sac Noël et Sean Paul, voici Trumpet sur Fun Radio. C'est la Vine Fun. Tic tac, she be gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element. Funny body may take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Bubbly, serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know where she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body may take up a permanent residence. Trumpets blow. Sean Paul, Trumpet sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love, love in fun. 20h, 22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Dimanche soir à la cool là, dans les studios de Fun Radio. J'espère que tout va bien, que vous passez une bonne soirée. On est filmé tous les soirs, hein. Si vous voulez mater un petit peu l'émission là en streaming, go sur le site de Fun, funradio.fr, ou directement sur l'application à télécharger sur les mobiles, l'application Fun Radio. On va lire quelques messages qui s'en révèlent là, sur les réseaux sociaux avec Alice. Un message de Morgane: je sors d'une grosse soirée hier soir, est-ce que vous avez des astuces pour gérer les gueules de bois? Ah putain. Boire beaucoup, parce qu'en général quand on boit de l'alcool on se déshydrate parce qu'on urine plus. Donc boire 1,5 à 2 litres d'eau et prendre une bonne dose de paracétamol, 1 gramme 2 ou 3 fois par jour, en général ça marche. Puis le bon McDonald's aussi, qui fait plaisir, hein, le lendemain. Ou les pâtes de 16 heures. Ah, c'est vrai, un bon McDo le lendemain de cuite, ça résout tous les problèmes. Ah oui? Ah, je te jure, Doc. Mmh. Ah bah testé, approuvé. Hein. Moi c'était même en Bretagne. C'était tous les dimanches. Pas des crêpes en Bretagne? Ah non, non. Oh, les crêpes ça fait germer ça. Pour les cuites, on abandonnait les galettes saucisses, tu vois ce que je veux dire. Hein. Et un autre message de Farah: on fait comment pour vous appeler quand on ne vit pas en France? Absolument. Eh bien, on se démerde. Voilà. Allez, non, je sais pas. Franchement, de la Belgique. Par internet, tout simplement. Non, mais de la Belgique, c'est 00 33 1 42 48 5000. Le plus 33 1 42 48 5000. Bah voilà, c'est ça en fait. Bah voilà. Eh bien, vous faites plus 33. Oui, on décroche vite parce que ça coûte une blinde de l'étranger. Oui, absolument. Et surtout, on vous rappelle derrière. Là, c'est gratuit. Pour le coup, si vous nous appelez de la France, c'est gratos. Hein. Donc n'hésitez pas. On va accueillir Thomas sur Fun Radio. Thomas, il a 22 ans, il est de Toulouse. T'es là, Thomas ? Salut. Je suis toujours là, les gars. Ok. Alors Thomas, il s'est passé un truc de dingue avec toi. D'ailleurs, il y a une vidéo hein, qui circule là, sur notre YouTube. La vidéo de ta rencontre, en fait, hein, à l'antenne, avec une fille que tu avais vue en boîte. Est-ce que tu peux nous rappeler, avant qu'on réécoute un petit extrait, là, ce qui s'était passé quand tu nous avais appelé dans l'émission, toi, Thomas ? Ouais, ben en fait, je suis sorti au Zoom Club à Toulouse, donc il y a une semaine, deux semaines maintenant, ouais. Et j'ai fait la rencontre d'une fille qui s'appelait Julie au cours de cette soirée, mais j'ai dû partir précipitamment parce que mon pote était malade. Il était bourré. Il était bourré, voilà, on fêtait ses 18 ans, et du coup, j'ai dû partir précipitamment, et on avait échangé un bisou avec cette Julie, et voilà, et après, je n'avais plus de nouvelles, on n'avait pas donné de 06. Voilà. Et tu nous avais appelé à l'antenne, tu avais passé un petit message, tu avais décrit Julie, et on a sa meilleure amie qui nous a appelé, qui écoutait l'émission. Et qui était dans la boîte. Absolument. Aussi. Donc, il t'avait bien repéré. Allison, ouais. Ouais, Allison. Et derrière, on a réussi à appeler Julie. On va réécouter, d'accord ? Allez, vas-y. Et juste derrière, tu nous diras comment ça s'est passé. Très bien. C'est avec un autre mec. Allô ? Oui, allô ? Oui ? Oui, c'est Thomas. On s'est rencontrés samedi soir au Zoom Club à Toulouse. Ah, Thomas, oui, je me souviens. Oui, oui, ben on s'est embrassé tout ça, toi et moi. Donc tu peux te souvenir. Oh oui, exact, je me souviens. Mais d'ailleurs, t'es parti très très vite. Hein. On n'a pas eu le temps de pouvoir discuter, s'échanger de numéros, ni quoi que ce soit d'ailleurs, de mémoire. Voilà, ouais, parce que j'ai mon pote qui était malade en fait, et j'ai dû partir précipitamment. Ouais, mais salut, salut, je suis le pote. Ouais, ça va Julie ? Mais oui, ça va et toi ? Salut, ouais, on t'appelle avec Thomas parce qu'en fait, tous les deux, on t'a trouvé super mignonne. En fait, on voulait savoir si tu voulais faire une partouze le week-end prochain. Après une petite soirée au Zoom Club. Mais qu'est-ce qu'il est con ? Mais qu'est-ce qu'il est con ? Mais qu'est-ce qu'il... Non, non, mais attends. Je vais te dire. T'es en direct sur Fun Radio et c'est Karel qui adore foutre le bordel. Pas du tout. Et... Blague ou... Mais non, c'est pas une blague. T'es en direct sur Fun Radio. Ça, je t'assure que c'est vrai. Ça, c'est vrai. T'es dans l'émission Love in Fun. D'accord. Et en fait. Pas devant tout le monde, en fait. Oui, bah oui, mais enfin, c'est pour une belle histoire. Et Thomas était complètement malheureux. Il savait plus quoi faire parce qu'en fait, il savait pas où tu étais, il voulait te retrouver, donc il nous a appelé. D'accord. On a passé un appel et c'est ta copine qui écoutait, ah bon, qui a dit mais je sais. Quelle c'est. Copine ah ben... Allison. Elle est partante pour la partouze. D'accord. Elle est partante. Donc, s'il n'avait pas appelé la radio, ben il ne t'aurait jamais retrouvé. Alors, c'est ça. Julie, maintenant qu'on t'a dit toute la vérité, rien que la vérité, est-ce que Thomas t'avait tapé dans l'œil au Zoom Club ? Franchement, oui. Ah, j'avais peur qu'elle dise, sauf que moi j'ai un mec. C'est bizarre. Non, non, mais on a échangé un baiser. Le truc, c'est qu'il est parti, vite fait. Et le problème, c'est que j'avais rien. Et ça, c'est énorme. Ce que tu viens de nous dire, c'est énorme. C'est-à-dire que Thomas nous a dit, ouais, j'ai pécho Julie. Et toi, tu lui dis, on a échangé un baiser. Tu vois, ça, c'est la différence entre les mecs et les filles. Hein, j'ai on pécho. On est beaucoup plus nous. Julie, est-ce que t'es contente d'avoir des nouvelles de Thomas ce soir? Franchement, oui, parce que je me posais des questions et je savais pas trop. J'en parlais justement avec ma pote et voilà. Et je trouvais ça dommage et je me suis dit bah peut-être que si jamais je retourne en boîte, je le reverrai. Et ben bah voilà. Puis ben là, du coup non, c'est cool. Je suis et bah ça y est, tu l'as retrouvé. On va les laisser en antenne pour qu'ils puissent échanger leur vrai téléphone. Bien sûr. Sinon, bah bien sûr, ça va repartir. Ils vont rappeler pour dire Thomas, qu'ils sont perdus. Thomas, Julie, est-ce que vous acceptez de prendre vos coordonnées téléphoniques? Mais tout à fait. Moi, oui. C'est trop cool. Thomas, tu dis tout à fait. Julie est d'accord. Eh bien, on vous souhaite beaucoup d'amour à tous les deux. Continuez de nous faire rêver. Et si jamais vous en avez un enfant un jour, appelez le doc. Ouais. Merci, Robinson. Il aura une belle vie, vous verrez. Et une grosse bite. Gros bisous à support. Merci à vous. Gros bisous. Salut, Julie. Salut, Thomas. Salut. Merci, Allison. C'est la copine qui a filé le numéro. Grave, c'est Allison qui écoutait elle, l'émission. Hein. Allison. Oui. Tu veux un cadeau ? Demande-moi ce que tu veux. Oh ben, pas que Vincent, tant qu'à faire. Non, demande un iPhone 7. Pour vraiment, t'es passé à côté du gros lot, toi. Hein. Ah, je te le dis tout de suite. Hein. Allison, tu reviens quand tu veux, on t'envoie le pack Love in Fun. Merci, ma chérie. Salut okay, à toi. Et nous sommes quelques jours plus tard. Et alors, est-ce que l'amour a rencontré véritablement Thomas ? Thomas, est-ce que tu peux nous dire où t'en es avec Julie maintenant ? Tout à fait. On est ressorti en mode... Au Zoom Club ? Au Zoom Club à Toulouse, pareil. D'accord. On s'est revu, donc on a parlé longuement, on a échangé des bisous et là, ça y est, on démarre une histoire, on va dire, et ça, c'est grâce à vous. Merci en tout cas, les deux. C'est cool. Merci à Karel. Pendant une semaine, vous êtes pas vus, en fait, vous êtes revus qu'en boîte. On s'est échangé beaucoup de messages, en fait, on s'est appelé et puis elle a un métier, tu sais qu'on ne peut pas se voir. beaucoup. Donc voilà, mais en tout cas, merci l'équipe de Winter, merci à Guillaume aussi du standard, il a exagéré pour le coup. Et voilà, sans vous, grâce à vous, je veux dire, je démarre une nouvelle histoire et ça fait super plaisir. Dis lui de t'acheter un téléphone pour voir un mois. D'accord? Parce qu'on t'entend pas bien, Thomas. C'est un iPhone 7, je suis sûr. Ouais, sans déconner. Il y a un vrai souci avec les iPhone 7. Hein. Ça ne passe pas avec nous. Ça passe mal. Hein. Thomas. Oui, bien sûr, oui. Allô? Je n'entends plus. Allô, qui est là? Thomas, félicitations en tout cas et super content d'avoir pu vous aider justement. Hein. Ça peut donner des idées à certains qui écoutent là. On peut réaliser ce genre de choses, hein. N'hésitez pas. 01 42 48 5000, on est la seule émission de Libre Antenne à réellement vous aider tous les soirs à 100% avec vous. Salut mon Thomas! Salut à toute l'équipe et bonne soirée à vous. Et gros bisous à Julie. Alors, salut à toi Thomas. On va revenir sur un truc qui nous a tous choqués dans l'équipe. C'est Cindy qui est allée en Chine et qui a retrouvé quelque chose d'horrible dans son assiette. Ouais. On a pris une petite photo, on va vous la mettre sur la page Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine, Cindy? Alors en Chine, on avait commandé une espèce de soupe, un bouillon en fait, et en fouillant un petit peu dedans, on est tombé sur la tête de poulet en fait. Voilà. Une tête de poulet dans une soupe. Ça aurait pu être une tête de poulet. Ça aurait pu être une tête d'homme, enfin bon. Ouais. C'est déjà pas mal. Et du coup, on vous pose la question parce que je sais que c'est déjà arrivé à pas mal de gens, genre dans des boîtes de conserve, de retrouver comme ça des animaux morts. Ouais. Venez nous dire si vous avez déjà comme ça trouvé des trucs un peu chelous dans votre assiette, dans un restaurant, dans une boîte de conserve. Venez nous raconter là, on se lâche et on se dit tout là tous les soirs sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Il va y avoir le meilleur défi fallait pas demander de la semaine, mais d'abord c'est Nils Van Zandt et Unified. Nils Van Zandt Unified. 20h, 22h. 0,42,48,5. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Tous les soirs en direct sur Fun Radio pendant 2h, 20h, 22h. Le numéro de téléphone pour nous appeler 01 42 48 5000. Alors là, on va parler d'un truc qui est arrivé à Cindy et qui est un standard hein, tous les soirs. Elle avait commandé une soupe quand elle était en Chine. Il y avait une tête de poulet à l'intérieur. On vous a mis la photo sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter. Et c'est vrai que c'est bien dégueulasse. Est-ce que vous avez déjà retrouvé des trucs chelous dans votre assiette? On a Jessica qui est avec nous, 25 ans de Carcassonne. Bonsoir Jessica. Salut. Bonsoir. Salut Jessica, t'as déjà retrouvé des trucs bizarres toi dans ton assiette? Eh ben, pas plus loin que la semaine dernière, des morceaux de verre dans une crêpe. Hein. Des morceaux ah oui, du verre. D'accord, oui. Dans une crêpe, mais genre, tu l'as acheté où la crêpe? Et dans une crêperie, une vraie crêperie, quoi. Ah mais ouais? Une crêperie bretonne. Non, sûrement pas, non. Je pense que c'est sûrement une arnaque. Donc, c'était quoi, quel type de crêperie, Jessica? Ah ben, c'est une normale, quoi. Une bretonne. Ouais. Une crêperie bretonne? Oui, bien sûr. Enfin, ils se font passer pour des Bretons. Oh, quoi, mais c'est sûrement, ouais, voilà, c'est ça. C'est des gens qui sont pas vraiment Bretons, qui prennent l'identité, voilà. Non, mais du coup, il y avait du verre. C'est hyper dangereux, ça, non? Non, c'est pas dangereux. Si non, ouais. On n'avale pas du verre. Non, il vaut mieux éviter. Mais en général, paradoxalement, le tube digestif se débrouille bien avec ça. Ah ouais, ouais, il faut que ça passe au moins l'œsophage, oui. Avec du verre, on peut. Non, c'est pas gênant, surtout que c'est des tout petits morceaux, n'est-ce pas? Oui. Mais alors. Mais quand même. Du coup, ouais, non, mais attends, du coup. Enfin, de toute façon, ça va pas être là, ça, c'est sûr. Non, mais tu gueules, et alors qu'est-ce qui se passe? T'as gueulé quand même, tu l'as dit. Ouais, je suis rentrée, j'allais leur demander comment ça se passait, et c'est limite, c'était moi qui avais mis les bouts de verre dans l'assiette, quoi. Ah ouais, d'accord, ils ont très très mal réagi, c'était de ta faute, quoi. Voilà, et au bout de 5 minutes, quand même, elle m'a demandé si je m'étais pas fait mal. Ah oui. Et après, elle m'a proposé de la refaire. Ah bon? D'accord, quand même. Tu sais que moi j'avais un pote comme ça, mais c'est une horreur. C'est-à-dire que mon pote il était plus radin que moi, Doc. Oui. Et il avait foutu, je me souviens, juste pour la déconne, tu vois, dans son assiette, petit poil de tub, tu vois, dans l'assiette, etc. Il avait dit, monsieur, tout regardez, il y a des poils et tout dans mon assiette. On a vu le repas gratos. Ouais, d'accord. C'est une technique comme une autre, hein. Pierre, t'es là ou pas? Ouais, je suis là. Salut Pierre. Salut le Doc. Salut. Pierre. T'as 27 ans, t'es à Oulin, toi? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as retrouvé, toi, dans ton assiette? Moi, c'était dans du pain, des cafards et des mouches. Oh, ah oui, quelle horreur. Quand tu les tartines au petit-déj, tu vois. Ben, ça fait des protides. Hein. Ah oui, non, c'est ouais. Bon. Hein. Ouais, mais ça, c'est cuit en plus. Ah bah oui, Doc nous a dit qu'on mangeait ça. Quel goût ça avait. C'était bien cuit. Attends. Ah non, j'ai pas goûté. Hein. Mais c'était quoi ce pain avec des cafards à l'intérieur? Quelle horreur. Pas un seul. Un seul. Non, mais d'où est sorti le cafard? D'une boulangerie, quoi, je sais pas. Quand il prépare sa pâte, il y a le cafard qui se noie dedans et c'est bon, quoi. Oh putain, non, mais c'est horrible. Ouais. Sinon, ouais, par rapport à tes poils, moi j'ai déjà eu commandé un gâteau dans une pâtisserie. Oui. Et tu sais, souvent ils mettent l'espèce de brillant là-dessus, là. Ah oui. Ouais. Et il y avait un cheveu qui était genre en dessous du brillant, tu vois. Et l'autre, elle disait que c'était moi qui l'avais mis. Ah. Oui, bien sûr, oui, c'est moi qui ai fait le glaçage de votre gâteau aussi. Mais je suis désolé, mais ça me rappelle encore une histoire que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. Mais ça a été un tollé dans la ville et tout. Je dirais pas où c'était, mais en fait, le pâtissier, le boulanger, il se branlait dans la pâte. Oh. Ah oui. Donc, tous les gens, ils achetaient du pain. C'était le. Mais c'est dégueulasse. C'était la surprise du avait... chef. Ouais, putain, non, mais c'est horrible, hein, sans déconner, quoi. Et tu sais que ça avait créé un tollé, le mec. Mais comment on l'a su, ce truc-là? Ah, je sais. Bah, je crois, en fait, il y avait un de ces stagiaires, tu vois, qui était là et qui l'avait vu et tout en train de se pougner dans la pâte pour le pain, quoi. Voilà, bon appétit à tous. Astrid est avec nous. Bonsoir, Astrid. Salut. Bonsoir toute l'équipe, bonsoir le Doc. 21 ans d'Avignon. Bah, des fois, il vaut mieux pas savoir ce qu'on a dans son assiette. Ouais, hein. Ouais, Astrid, raconte-nous, toi. Alors, moi, c'était pour le goûter. J'ai voulu me prendre un brownie industriel. Bon. Ah oui. Et en fait, je l'ai coupé en deux, je sais pas pourquoi. Et dedans, j'avais un gros ver vivant. Ah, oh, c'est bien, oh, ça. Non. Ah, c'est nutritif vivant aussi, Doc. En plus. Ah oui, il était vivant, il bougeait bien. Hein. Oh non, quelle horreur. Comment tu fais? Comment tu réagis, du coup? J'ai été dégoûtée. Oh. J'ai jeté le brownie, j'ai jeté la boîte. Non, mais il faut prendre une photo, il faut les afficher, ces gens. Hein. Sérieux. Ah, j'étais mais vraiment dégoûtée. Aujourd'hui, je sais plus du tout quelle marque c'était ou quoi, mais vraiment, les brownies, maintenant, j'ai du mal. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. J'ai toujours tendance à les ouvrir avant. Ah ouais. Oh, quelle horreur. Ah, la mauvaise surprise, quoi. Comment ça peut se retrouver là-dedans, Doc? C'est dans la chaîne Oui, probablement mal conservé, pas au froid, pas suffisamment. Et voilà, comme dans tout aliment, par une prolifération de verre, oui, bien sûr, il se bouille. Oui, il suffit qu'une mouche ait pondu dessus, juste avant. Oh là là là là, quel enfer. Et là, se balade après. Et c'est comme dans le camembert. Dans notre vie, Doc, ça nous arrive de manger des vers comme ça, des insectes? Bah, t'as jamais... Bien sûr, il y a des gens qui croquent les pommes, qui font pas gaffe et qui bouffent les vers. Comme d'accord. Dans les cerises. Oh. Et la légende selon... Enfin, moi, j'ai entendu parler d'une légende qui dit que pendant la nuit, en fait, on avalerait régulièrement, pendant notre vie, des araignées, des trucs comme ça. Ça. C'est une bêtise. Genre, non, on va rassurer. Genre, quand on dort, c'est faux. Oui, ça. Il faudrait que la... Il faudrait qu'elle dans, la vie de, dans la vie de tous les jours, on en mange hein, dans le tarama et tout. Ouais. Comment ça, le tarama est rose à cause d'un colorant d'un insecte. Ah oui, mais ah ça, oui. C'est autre chose. Ah. Oui, oui, d'accord. Je comprends. Je n'allais plus jamais acheter. Ah oui, mais moi, moi, ça m'est déjà arrivé dans un endroit où je travaillais. Ouais. Je vais pas dire où, parce que voilà, de trouver, de me verser, tu sais, genre, j'avais passé la nuit à bosser. Ouais. 8h30 matin, j'avais fini, je m'étais occupé des bébés, je me sers un café, je bois le café, à ce coup, je dis, tiens, il y a un morceau là-dedans. Je crache un cafard. Pendant 6 mois, dans ce tournoi-là, j'ai pas pu prendre de café. Ah, il y a un morceau là-dedans, dis donc. Ah. Quelle horreur. Et alors, bon, il y a 8h30, j'ai pas dormi la nuit, je dégueule maintenant, un peu plus tard. Ah, non, je le croque. Horrible, enfin, sans déconner. Thomas, alors, je suis allé me chercher un autre café ailleurs, vite fait, ah, ouais. Pour couper le mauvais... Ah, je t'en paye un, si tu veux, ce soir. Ouais, c'est cadeau, non, je déconne. Notre auditeur du soir, Thomas. Tu peux déconner, c'est jamais cadeau avec toi. Salut, salut Thomas. Salut Thomas. Ouais, ça... Moi, j'ai déjà trouvé un ongle dans un hamburger. Dans ah oui, un ongle. Mais alors ça a été fait. Mais tu sais que, enfin, franchement, je veux pas taper dessus, mais dans certains McDo et tout machin, t'en as qui se font plaisir. Hein, ouais. Mais... Bah là, ils ont été sympas. Après, ils m'ont remboursé, ils m'ont donné des cartes cadeaux, mais bon. Donc, t'avais un ongle dans ton burger, quoi. Ouais. Ah putain, mais on moi, se demande comment il arrive là, parce que quand même, préparer le mec qui prépare le burger, il faut quand même qu'il se coupe les ongles. Donc, en même temps qu'il prépare le burger, c'est. D'accord, c'est bizarre. Oui. Godefroy, toi, t'as bossé au McDo, Godefroy, à l'arrière. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que c'est nickel-nickel ou au contraire. Je vais pas dire où c'était, mais c'est pas nickel-nickel. Hein. Ah bon? Il y avait des moments où des souris se baladaient sur les plans de travail, etc. Quoi mais non! Si, si. Et justement, on devait pas faire de bruit pour pas paniquer les clients qui étaient juste devant la caisse. Il y a des grandes surfaces et c'est vraiment régulièrement. Entre les étages, vous voyez des souris passer. Ah putain, mais ouais, mais encore dans une grande surface. Bon, pourquoi pas, mais. T'achètes de la bouffe, je sais. Ouais, non, mais je sais bien, mais bon, là au McDo, sur le plan de travail, t'as une souris, c'était quel c'est McDo bien, ça, ça fait de la viande. C'était un certain McDonald's d'une région parisienne. D'accord, okay. C'est à Boulogne, quoi. On en dira pas plus. On en dira pas plus, on va se faire attaquer ce soir, je vous le dis. Maxime, t'es là? Yes, je suis là. Salut Maxime. Salut l'équipe. Salut Maxime. Alors avec Maxime, on atteint des proportions qui sont énormes. Hein. C'est-à-dire que Maxime, 25 ans de Melun, qu'est-ce que t'as retrouvé dans ton assiette? J'ai trouvé un clou dans une boîte de conserve de cassoulet. Bien sûr, un clou. Donc tu peux mourir. Hein. Oh là là. Il était, il était planté dans l'espèce de saucisse chelou qui a la dent. Et c'est pour le faire. Mais vraiment planté bien le long pour pas qu'on le voit. Et c'est après avoir servi dans l'assiette et avoir commencé à découper la saucisse que le cadeau est apparu. Ah, non mais bien sûr. Souvent tu bouffes des trucs et tu t'aperçois que c'est hyper dur et tu sais pas ce que tu manges quoi. Et tu finis par le manger d'ailleurs. Hein. Ça arrive souvent. Hein. Hein, Maxime. Ouais, du coup bah moi en l'occurrence j'ai pas mangé le clou quand même. J'ai pas été aussi stupide. Ouais. Mais du coup j'ai pris en photo le truc. J'ai même amené l'assiette à. Enfin, je vais peut-être pas citer l'enseigne chez qui j'ai acheté ça, mais j'ai été leur amener. Et bon, ils ont bien évidemment dit que c'était pas de leur faute, etc., et qu'ils allaient revenir vers moi, mais j'ai jamais eu de nouvelles. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, du coup, j'évite le cassoulet maintenant. Ouais. Il y avait une histoire comme ça. C'était dans un, bon, je peux dire, c'était dans un Leclerc. Ils avaient retrouvé un rat dans une boîte de conserve. Ou une grenouille aussi. Ouais, c'est chaud. J'avais vu ça. Ah ouais, non. Alors, il t'explique que sur les 120 millions, c'est un risque, genre tout. Enfin, il y a très peu de risques, mais bon, ça peut c'est arriver. C'est comme gagner au loto, quoi, mais ça fait pas le même effet. Ouais, c'est ça. Anso, t'es là? Oui, je suis là. Salut, Anso. Salut. T'as 23 ans, t'es à Nancy, toi? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans son petite assiette, Anso? Eh ben, moi, j'ai retrouvé un cure-dent mâché dans mon kebab. Ah, quoi? Un cure-dent mâché. Ah, non. C'est déjà le cure-dent, c'est dégueu, mais alors il est mâché, tu sais. Ah, non. Ouais. Si vous voulez faire une cure d'amaigrissement, c'est le moment d'écouter cette émission. Ça va vous dégoûter de vous nourrir pendant plusieurs jours. On faire un régime d'enfer. Ah ouais, non, mais on va s'arrêter là, à moins que quelqu'un dans l'équipe ait déjà retrouvé quelque chose. Ah, Alice. Moi, vous voyez les bruschetta, les espèces de tartines comme ça qu'on commande. Bah moi, j'avais un chewing-gum en dessous. Ah, oh, putain. Mais... Et j'ai senti parce c'était qu'en fait, c'était pour laver les dents après. Mais en fait, j'ai senti parce que ça sentait la menthe en fait et je me suis dit, mais c'est quoi, il y avait un bout et en fait il y avait un chewing-gum qui était collé sous ma bruschetta. Okay. C'est dégueulasse. Bah la bruschetta c'est typiquement voilà. Italien ça. Oui, enfin entre autres hein, tu sais. D'accord. Eh ben franchement n'hésitez pas à continuer de réagir sur les réseaux sociaux. Dites tous si vous avez déjà retrouvé des trucs chelous dans votre assiette. Je remercie Jessica, Pierre, Astrid, notre auditeur du soir bien sûr qui réagit pendant toute l'émission, Maxime, Anso. Vous ne raccrochez pas et dans un instant, c'est la semaine spéciale cyber harcèlement. Ah oui. Et on va en parler justement dans Love in Fun. On est totalement, justement, on soutient totalement la lutte contre le cyberharcèlement. Et justement, Alice, t'as reçu là un message sur Facebook. Hein. Ouais, exactement. J'ai parlé avec Manon, qui en fait, ça fait quelques mois, voire même un an, qu'elle se fait harceler très régulièrement sur Facebook par des filles de son collège. Et du coup, bah voilà, elle sait pas trop comment réagir face à cette humiliation, voire enfin, elle est carrément victimisée sur les réseaux sociaux. Quoi. Elle a tellement peur qu'elle n'ose même pas passer sur l'antenne. Elle veut pas passer sur l'antenne parce que voilà, elle a peur. C'est une psychose. Hein, donc, on vous attend vraiment là au standard si vous avez déjà vécu ça, ce cyberharcèlement, voilà, avec Facebook par exemple, avec d'autres réseaux sociaux. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous en êtes sorti? Surtout 01 42 48 5000. On va vous aider à justement gérer la situation avec Doc et tous ses conseils. On écoutera Mike Perry, The Ocean, dans 3 minutes sur Fun Radio. Profitez bien de votre dimanche soir. C'est le week-end hein, encore. À la maison, sur les routes, tranquille au boulot. Merci d'être avec nous sur Fun Radio jusqu'à 22h. C'est Love in Fun, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. Fun Radio. But I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. sur Fun Radio. Tous les soirs, Love in Fun sur Fun Radio, 20h-22h, dimanche soir en direct, hein, tous les soirs sur Fun Radio, avec beaucoup de messages qui sont arrivés sur les réseaux sociaux. On en lit quelques-uns avec Alice, bien sûr. On a reçu un message de Morgane qui nous dit « Pourquoi plus je crache, plus j'ai envie de cracher ?» Oui, non, ça, c'est parce qu'il produit beaucoup de salive. La salive est produite en permanence. Si effectivement, on la déglutit automatiquement. Si on la garde dans la bouche, forcément, il y a beaucoup de salive qui arrive et il crache. C'est tout, mais il faut déglutir ta salive et tu cracheras plus. Et un autre message de Ninon, donc on parlait tout à l'heure, Ninon se fait harceler, ça fait quelques mois, voire un an, elle nous disait, sur Facebook, en fait, par des filles de son collège. Donc elle n'a pas osé passer, mais elle voulait avoir un maximum de conseils. Cyberharcèlement, oui, bien sûr. On va en parler, il y a justement beaucoup, beaucoup de réactions là au standard. 01 42 48 5000. Elisa est avec nous, elle a 18 ans de Bordeaux. Bonsoir Elisa. Bonsoir. Salut. Salut à toi Elisa. Tu voulais réagir à ça justement. Est-ce que toi tu as été harcelée? Tu es harcelée? Raconte-nous. Oui, je suis harcelée depuis la sixième jusqu'à la seconde. D'accord. Et encore maintenant? Comment? Tu l'es encore maintenant ou c'est fini? C'est encore un peu. Encore un peu. Toujours par les mêmes? Oui. Si tu peux décrire ce qui se passe? Je me fais harceler et intimider parce que je suis différente par rapport à eux. Quelle est ta différence? Je suis gothique, métalleuse et j'ai pas la même attirance sexuelle que. Tu es homosexuel? Non, je suis bi. Tu es bisexuel, enfin, tu fais ce que tu veux. Bah oui. Il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu en as parlé à des adultes? Oui, j'ai fait une tentative de suicide qui est suivie par les éducateurs de mon lycée. D'accord. Ils ont appelé les pompiers qui sont venus me chercher au lycée. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait pour te suicider, pour tenter de mourir? J'ai avalé des médicaments. Et lesquels? Des médicaments pour l'allergie. D'accord, ok. Et là, ils sont venus te chercher, ils t'ont transporté à l'hôpital, ils t'ont soigné. Est-ce qu'ils ont essayé de comprendre ce qui se passait? Oui. Après, ils ont appelé mes parents. Après, ils m'ont emmené dans un autre hôpital psychiatrique à Charles Perrins. D'accord. Et la psychologue qui est là-bas, elle m'a dirigée vers un centre hospitalier pour les ados suicidaires. D'accord, ça je comprends tout ça et c'est une prise en charge normale. C'est pas ça que je suis en train de dire. Est-ce qu'ils ont compris la cause? Est-ce qu'ils ont enregistré le fait que tu étais victime de harcèlement ou pas? Oui. D'accord, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Mais ils ont... Ils ont parlé directement au lycée. Après, ma mère et mon père, ils sont... Tes parents sont venus? Oui. Et là, du coup, il y a toute une démarche qui s'est mise en place. Est-ce qu'on a pris ça en compte? Est-ce qu'on a rencontré les harceleurs ou pas? Comment ça s'est passé? Après que je sois sortie des hôpitaux, on est allé porter plainte contre les filles. D'accord, ça c'est très bien, oui. Et après... on n'a plus de nouvelles. On en a une des nouvelles d'une seule fille qui a avoué tous les faits à ma mère. D'accord. Est-ce que ça s'est donc arrêté depuis? Ou pas? Oui. Ça s'est arrêté. Donc ça, c'est important. Ouais. C'est la démarche essentielle. On va rappeler, évidemment, le site. Il y a un site pour netécoute.fr. Ça, c'est pour le cyberharcèlement. On va en parler tout à fait, qui est du Paris Enfance, qui marche très bien. Mais il y a aussi un site pour le harcèlement, Stop Harcèlement, SOS Harcèlement. Avec un numéro qui est le 3020. Donc ça, je cite vraiment tous les gens qui sont victimes de cela à composer. C'est un problème qui existe depuis très longtemps, excessivement longtemps, qui touche beaucoup d'enfants et d'adolescents. Les adultes aussi, ça c'est aussi un problème. Là, on s'occupe des plus jeunes et qui doit être effectivement pris en compte le plus tôt possible parce que ce qu'elle décrit là, c'est-à-dire un passage à l'acte violent parce que on n'en peut plus, on est complètement agressé et qu'à un moment donné, on se retourne la violence contre soi. Eh bien, ce n'est pas si anodin que cela, c'est pas si peu fréquent que cela, c'est trop fréquent, toujours trop fréquent. Il y a beaucoup de tentatives de suicide qui sont aussi liées à ça, voire des passages à l'acte. Bon, il y a effectivement quelques histoires absolument dramatiques qui se sont passées, comme celle de Jonathan Destin, qui est un garçon qui a écrit ce livre et qui a été brûlé à 70%. C'est lui qui s'est brûlé? C'est lui qui s'est brûlé, qui s'est immolé par le feu, et heureusement, le canal était en dessous et Il s'est jeté dans l'eau, donc c'est ce qui l'a sauvé la vie. Mais en fait, énormément de séquelles. Quel enfer. Cutanées. Voilà. Donc, et tout ça parce qu'il était effectivement harcelé jusqu'au jour où on lui a dit, je répète, hein, ce qu'il a dit, ce qu'il écrit dans le livre, si tu n'amènes pas 100 euros demain, on s'attaque à ta famille. Voilà. Et c'est là qu'il est passé à la... On a menacé ta famille aussi? Comment? Est-ce qu'ils ont menacé ta famille? Il y en a une, elle a menacé d'égorger ma mère. Voilà. Ouais. Donc ça, alors là, du coup, là, c'est sûr qu'après, on finit par avoir très très peur et on préfère s'agresser sur eux. Tous ceux et toutes celles à qui ça arrive, vous devez impérativement en parler aux adultes et en priorité à vos parents qui doivent se rendre dans l'établissement, déposer plainte parce qu'il faut une action judiciaire, non pas pour punir, il ne s'agit pas de mettre en prison les harceleurs, mais pour qu'ils soient rencontrés, contactés, et de mettre immédiatement fin à ces, à tous ces procédés qui sont absolument lamentables. Je rappelle que toi, ça dure depuis 4-5 ans, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, son cas n'est pas anodin. 15%, 20%, en tout cas, un nombre assez impressionnant de 15%. En sachant que d'ailleurs, souvent, les harceleurs peuvent devenir harcelés, ce qui est assez particulier pour 7% des cas. Voilà. Et c'est justement parce qu'Elisa en a parlé qu'aujourd'hui, elle n'est plus harcelée. Voilà, c'est vraiment ça. Après, on va parler évidemment du cyberharcèlement, parce que c'est une étape supplémentaire qui s'est énormément développée depuis l'utilisation de tous les réseaux sociaux, téléphone portable, messagerie instantanée, tous les gens en ligne, courrier électronique, tout ça, ça fonctionne, le forum. Et alors là, c'est amplifié parce que, outre les intimidations et les insultes, t'as des propagations de rumeurs, voire ce qu'ils appellent effectivement le sexting, c'est-à-dire la publication d'images à connotation sexuelle. Et évidemment, ça, c'est la publication d'une photo, d'une vidéo, peut-être dramatique, parce que pour celui qui a à vivre ça, on va en reparler peut-être d'autres fois, en tout cas les jours prochains, puisque cette semaine, il y a un grand... On va continuer d'en parler tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Ouais, on va laisser parler tout le monde. Mélissa est avec nous. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir tout le monde. Salut Mélissa, t'as 22 ans, t'es à Marseille, t'as entendu le témoignage d'Elisa. Est-ce que toi t'as été aussi victime de harcèlement, de cyber peut-être harcèlement? Alors j'ai été victime de cyber harcèlement et d'harcèlement au collège pendant 4 ans. D'accord. À peu près. C'est souvent une continuité, ouais. Ça commence par le harcèlement et on poursuit par le cyberharcèlement. Juste que pour tout le monde comprenne, tu peux nous dire sur le plan vraiment cyberharcèlement ce qui s'est passé réellement? Ben moi, on s'amusait à m'envoyer des photos à connotation sexuelle en fait sur. Je n'avais pas Facebook à l'époque, donc on m'a envoyé par MSN. Ouais. Donc on m'envoyait des photos à connotation sexuelle dessus. On s'amusait à faire des montages avec ma tête sur diverses photos, voilà, ce genre de choses. On s'amusait à forcément à me dire des choses pas très catholiques, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc c'était pas que les filles de mon collège, c'était à peu près tout le collège, c'était vraiment tout le collège, en fait. Ça a duré combien de temps, le harcèlement 4 ans, par internet? Ben ça a duré de 6e jusqu'à la 3e. Et ça s'est arrêté comment? Et ça s'est arrêté le jour en fait où j'ai fait une tentative de suicide, voilà. Et t'as pas osé en parler avant, pourquoi? Juste pour que tout le monde comprenne. Pourquoi tu n'en as pas parlé avant? Ben, j'avais pas voulu en parler avant parce que j'avais honte. Voilà. J'avais honte de moi-même, j'avais honte d'aller voir ma mère et d'aller lui expliquer ce qui se passait. Parce que je me disais, mais c'est ma faute. En fait, c'est à cause de moi que tout ça se passe. C'est pas la leur. Eux, ils ont tout à fait raison de faire ça. Alors que non, quand on grandit et qu'après on passe ce cap, on se rend compte que non, c'est tout à fait faux. Oui. Tu vas aider beaucoup de gens. Parce que c'est très important ce que tu viens de dire. C'est le cas général. Voilà pourquoi la plupart des enfants et des adolescents n'osent pas en parler parce qu'ils se sentent coupables, voire responsables, et que parfois ils sont menacés et ils ont peur. Ils t'ont menacé aussi, toi? Ah oui, je me faisais frapper à la sortie du collège. Oui, je me faisais cracher dessus dans les couloirs. Est-ce qu'on te disait, si tu parles, tu verras ce qui va se passer, des choses comme ça? Une fois, on m'a dit, le jour où tu le dis, on viendra et on te tuera. Voilà. Voilà, on m'a dit ça. C'est une menace extrêmement grave. Ouais. Surtout qu'il faut en parler, parce que personne ne va tuer personne. Il y a netécoute.fr qui est tenu par e-enfance, qui est spécifiquement, qui connaît particulièrement le cyberharcèlement, qui est comme la continuité du harcèlement, mais avec une dimension amplifiée. Et le numéro, c'est 0800 20 200. 0800 20 200 0800. Attends, je suis paumé. 0800 20 200. Oh là là, répète, Alice. 0 0800 20, 200. Ouais. Mais alors, en plus, j'ai dit une connerie. Ah. Oh, bah alors. Bah alors, c'est quoi le numéro? C'est quoi, donc? C'est le numéro 0800 200 0000. Oh, vous, je n'ai rien compris avec numéro votre numéro vert. Alors, c'est un numéro vert, c'est-à-dire qu'il est gratuit. On répète. Excusez-moi, bon, c'est un peu emmêlé. 0800 200 000. J'ai appelé, ça sonne pas, Doc. Non, mais si. Ça, c'est le bon numéro de téléphone. Voilà, ça, c'est sérieux. En tout cas, peu importe, mais c'est important de le faire parce que je crois que vous avez besoin d'être aidé. C'est un levier essentiel pour immobiliser vos parents et évidemment déposer plainte. Et en sachant que, quand même, sur Internet, les réseaux sociaux peuvent immédiatement, c'est important de le dire, hein, suspendre tout cela. Bien sûr, il faut signaler de toute façon. Thomas, notre auditeur du soir, tu veux réagir là-dessus sur le cyberharcèlement, toi, Thomas? Oui, bah moi c'est un moi qui me faisait cyberharceler, c'est un pote à cause de parce qu'il avait les cheveux roux en fait. Oui. Du coup, bah vu qu'il était différent, bah tout le monde. Non mais il est pas différent, il a juste les cheveux roux. Hein. Enfin, oui, voilà, c'est un prétexte, bon. C'est un prétexte. Ouais. C'est ça, mais bon après bah, on a changé de, on est passé au lycée donc. Et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Il faut savoir que tout, hein, messagerie, forum, chat, jeu en ligne, courrier électronique, réseaux sociaux, sites de partage de photographies, tout ça. Ce sont des outils de cyberharcèlement. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut pas aller dessus. J'ai pas dit cela. Mais... Tous les mois, on voit des drames. Hein, franchement, oui, il faut le dire. Il faut vraiment, vraiment. Ça, c'est si on peut retenir une seule chose. Vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas responsable. Même si tantôt vous avez voyez une photo un peu osée de vous, vous n'êtes pas coupable ni responsable de cela. C'est celui qui le diffuse qui est responsable, qui doit évidemment être arrêté, non pas. Sur un plan judiciaire, mais dont on doit arrêter l'action au plus vite, et souvent ce sont des groupes. Bah, le plan judiciaire, on va en parler, puisqu'on a un policier qui est avec nous, là, qui veut réagir. C'est Romain, 24 ans de Toulouse. Salut Romain. Salut Romain. Oui, bonsoir. Bonsoir, brigadier Romain. Pas encore brigadier, mais presque. Ça ne saurait tarder, vu vos bons effectifs. Voilà. Alors, bah, Romain, on t'écoute. Quand on se fait cyberharceler, toi, tu as déjà vécu ça, des plaintes, justement, de personnes c'est souvent des plaintes. Par exemple, des abus de faiblesse, par exemple des filles handicapées qui se font harceler par des mecs qui veulent des photos osées d'elles. Ça arrive fréquemment. Le plus souvent, c'est ça qu'on voit. C'est dernièrement, ça a été une petite trisomique qui était sur Facebook, tout simplement. D'accord. Et elle a eu des demandes de photos osées ou des approches osées. D'accord. Donc, il a fallu, heureusement que par chance, les parents avaient un œil là-dessus. Les parents ont de suite fait la démarche de venir au commissariat déposer plainte. Et on a la chance aussi d'avoir des psychologues qui font que pendant les dépôts de plaintes, ils sont là aussi pour parler avec eux, pour rassurer la personne. Ça, oui, ça arrive aussi avec les handicapés. C'est un facteur aggravant, je le rappelle. Oh, mais c'est un facteur aggravant. Et les handicapés profitent que la personne soit handicapée pour la manipuler. C'est un facteur aggravant qui peut générer des choses plus graves. Est-ce que, alors, on n'a pas parlé, mais il y a les violences de couple. Dans un couple, on peut avoir un cyberharcèlement. Faut pas l'oublier. Pour ma part, je n'ai jamais eu affaire à ce cas. Oui, mais ça arrive. On sait que, par exemple, c'est dans un divorce ou dans une séparation aussi. Oui, c'est que la personne. C'est ça, où c'est que une des deux personnes, hein, ça ne vise pas forcément un des deux, mais part, et où c'est que l'autre personne qui ne veut pas se séparer, ben, le menace avec des photos, avec des messages et tout ce qui suit, et donc, du coup, ça peut devenir une cause de dépression et de. Voilà, parce que dans un couple, il se peut, hein, qu'on fasse des photos un peu osées, parce que dans un couple, ça arrive, et qu'on les garde, et c'est pas pour autant que celui qui les possède peut les diffuser. Ça, c'est très important de dire, parce que quelqu'un va dire, ah ben, il fallait pas pendant notre histoire. Dans l'histoire de couple, si c'est personnel, pourquoi pas, hein, les gens font ce qu'ils veulent. C'est sûr. Voilà. En revanche, après, les utiliser, c'est tout à fait condamnable. C'est pas parce qu'on a accepté de les faire pendant la liaison qu'on est coupable de la diffusion. Merci. C'est interdit de diffuser. Ouais. Bah merci Romain pour ta réaction. Merci. On va continuer d'en parler pendant toute la semaine, puisque c'est la semaine justement contre le cyberharcèlement. Je remercie Romain, notre auditeur du soir, bien sûr, toujours avec nous. Mélissa, Elisa aussi pour leur témoignage très très important. Et voilà, on va vous mettre tous les numéros de téléphone sur la page Facebook de l'émission. Prenez soin de vous. Le meilleur défi fallait pas demander de la semaine, c'est dans un instant. On va écouter celui de Lenny. Alors, il était magnifique, hein. Lenny, 12 ans. Tout mignon, hein, de Nantes. Il avait demandé à son papa Jimmy de 43 ans, papa, est-ce que tu peux me donner de l'argent pour rembourser un pote? Et là, c'est parti, mais en couille totale. Restez bien avec nous, c'est un grand moment, vous allez vous marrer, hein. Vous bougez pas. En attendant, on met à fond Mike Perry, The Ocean, c'est Love and Fun tous les soirs, 20h, 22h sur Fun Radio. Bonne soirée à tous. You can be my guiding light. Keep me company. That's all I need, all I want.

Major Lazer, Justin Bieber sur Fun Radio, c'était Cold Water. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, 01 42 48 5000. Un son qu'on écoutera tout à l'heure, The Parakeet avec Save Me. Découvert sur Fun Radio. Qu'est-ce qu'il est bon ce son? Restez bien avec nous, The Parakeet, tout à l'heure dans l'émission 01 42 48 5000, toujours avec notre auditeur du soir. Notre auditeur du soir qui fait de la radio avec nous pendant les deux heures, il réagit pendant l'émission au sujet. Ça va Thomas? Ouais, toi? Ça se passe bien mon Thomas, hein? Ouais, super. T'es où? C'est là? Tu es dans ta chambre là? C'est ça, je suis un petit peu d'ordi là. Ok, tranquille. Hein. tu fais quoi sur ton ordi? Bon, des petites recherches pour les cours. Ah, okay. Ouais. Tu nous écoutes en même temps sur l'ordi? Non. Non, il est au téléphone avec nous. D'accord. Donc, ça va au niveau de l'oreille et tout, pas trop chaud? Non, ça va. Ça va, jusqu'ici tout va bien. On va accueillir Sébastien, 17 ans, Denis. Salut Sébastien. Salut Carré, salut équipe. Alors une petite anecdote, c'est ça Sébastien? Ouais, une anecdote, pas trop. Ah bon? Vas-y. Alors en fait, c'est parce que dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 3h du matin, j'ai eu une énorme douleur d'un testicule qui m'a réveillé. Ah ouais putain l'enfer. Et du coup j'ai tu vois comme c'était par sa team et tout, je me suis dit ça m'a vite inquiété, j'ai demandé à ma mère d'appeler sa famille. À 3h du matin. Et je suis allé aux urgences. Et aux urgences, à peine sorti d'ambulance, j'avais un chirurgien qui est arrivé, qui m'a ausculté et tout, qui m'a touché les testicules, il me fait bon écoute, on fait une échographie et tout, puis dans une demi-heure on t'emmène au bloc. Oui, torsion. Du coup, apparemment, il m'a opéré d'une torsion, je sais pas pourquoi. Torsion du testicule. Voilà. Ça arrive pendant le sommeil. Quoi? Je te dis une torsion testiculaire. C'est une urgence absolue. Il faut faire très vite. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Pour des raisons diverses, il y a des testicules qui sont dits un peu baladeurs. Alors vous savez que le testicule, c'est une glande qui est dans les bourses, ça jusque là vous savez, et c'est relié par un cordon qui contient les vaisseaux et les nerfs. Et le canal séminifère, c'est-à-dire ce qui transporte les spermatozoïdes. Bien sûr. Bon, alors c'est comme un fil, en quelque sorte, une boule en bas. Ouais. Si le testicule se tord, le fil se tord. Ouais. Le problème, c'est quand ça tord aussi l'artère et les vaisseaux et la veine. Ah oui. Donc ça circule plus. Ah oui, non, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Faut laisser respirer sa couille. Et ça fait excessivement mal, heureusement. D'accord. Donc là, il n'y a qu'une urgence, c'est détorsion rapide du testicule, pour ne pas le perdre. Mais attends, mais là, le cauchemar doc, c'est que ça peut arriver la nuit comme ça, sans... Alors il est probable qu'il y ait peut-être eu une érection, je rappelle. T'es branlé avant, Sébastien, non? Le soir, ouais. Ouais, bah, non mais c'est venu en pleine nuit, ça t'a réveillé en pleine nuit, ça a dû se passer en pleine nuit. Ouais, ça m'a réveillé comme ça en pleine nuit, ouais. Je rappelle qu'il y a quand même 4 à 5 ou 6 érections durant le sommeil, que pour ça, ça fait mobiliser les testicules qui gonflent et qui peuvent remonter, redescendre, enfin bref. Il peut aussi se toucher les organes génitaux pendant son sommeil, ça peut arriver. Il touche les couilles, Sébastien, pendant la nuit. Il n'en sait rien, enfin peu importe, en tout cas, ça s'est tordu, parce que le testicule était baladeur. Est-ce qu'on t'a détordu, il est toujours vivant, ça va? Comment? Il a été détordu. Ouais, oui. Et là, il va bien. Il n'a pas changé de volume, il n'a pas rétréci, rien. Comment va ta couille? Non, là, ça va bien, mais parce qu'il y a des potes qui m'ont fait un peu peur. Est-ce que, genre, une opération comme ça, ça peut jouer sur les spermatozoïdes et tout ça? Mais pas du tout, puisque là, le but était de sauver ton testicule. Si ton testicule a toujours un bon volume, c'est qu'il a, finalement, il n'a pas été en restriction vasculaire trop longtemps. C'est-à-dire qu'il a... En le détordant, eh bien, il continue à vivre. Il est toujours vivant, ton testicule. C'est ça qui est important. Putain. En revanche, ce qu'ils font, c'est qu'ils le fixent. Hein? Du coup, pour pas que ça se reproduise. Ah, ils mettent quoi pour de la pâte à fixe? Non, mais un petit fil de manière à ce qu'il ne se torde plus. Ah, d'accord, ok. Se torde sur son axe. Putain, voilà. Ça fait flipper ça. Les filles, elles ont pas ce genre de problème. Si, il y a des torsions d'ovaires, ça peut arriver, mais c'est rare. Des torsions de? Ça peut arriver. Si de quoi, t'as dit? D'ovaires. Ça n'arrive jamais. Hein. Non, mais toi, ça t'est pas arrivé. Mais si t'as un kyste ou des choses comme ça, oui, ça peut arriver, bien sûr. Et puis, il y a aussi des hernies de l'ovaire, ça existe. C'est un ovaire qui va se balader, qui ressort du ventre. D'accord. Ça, chez les tout petits enfants. Ouais, j'ai remarqué un truc, en fait, à chaque fois qu'il arrive un truc au mec, les filles peuvent avoir pire. Bah oui, c'est pour vrai. Ça, franchement, j'étais super détendue pendant l'histoire de la torsion parce que je me suis dit, oh, allez, pour une fois que nous, on n'a rien à craindre, c'est eux qui douillent un peu. Et bah finalement, c'est rare, chez les filles, c'est rare. Voilà, en tout cas, ne t'inquiète pas. Ce qui donne une bonne vitalité de ton testicule, c'est qu'il a toujours le même volume et qu'il apparaît très ici. Car si la torsion a été trop sévère, il y a une ischémie, c'est l'absence d'irrigation pendant longtemps, et là, évidemment, le testicule se détruit. Dans ces cas-là, il va réduire en volume, mais c'est pas ton cas. Et je peux toujours me branler? Oui. Bah vas-y, va te faire plaisir. Sébastien, j'ai envie de souhaiter une bonne et longue heureuse vie à tes couilles. Hein. Merci. J'espère que ça va bien se passer. Merci Sébastien pour cette petite histoire. Hein. Vous êtes au top, ça fait un mois que je vous ai découvert et franchement, nickel, vous êtes génial. Eh bah merci à toi Thomas, je suis passé de chez vos concurrents à chez vous et franchement c'est top. Ah c'est vrai? Bravo à toi. Avant d'écouter l'autre personne qui était dans les mêmes horaires que vous, en fait c'est une vraie merde à côté de vous. Oh, d'accord. Bah, on n'est pas tant, dis donc. Bah écoute, on prend. Disons que c'est un programme différent. Cadeau. Ça fait plaisir Sébastien. Salut à toi Sébastien. Salut. Et Thomas qui veut réagir là. Thomas, t'es là notre auditeur du soir? Ouais, bah je peux lui dire qu'une chose, hein, bonne chance ma couille. Ah mais... Non, mais merci Thomas. Le chiffre d'Alice dans un instant. Alors on va parler des relations, des partenaires sexuels. Ouais, exactement, et notamment des personnes qui ont eu plus de 20 partenaires sexuels. Oh bah oui, attends, attends, 20 partenaires sexuels, ouais si ça va. Moi je l'ai fait. Ah ouais? Ah ouais, je l'ai fait. Oh bah alors, écoute, non mais attends, ça mais il y en a qui préfèrent Y en a qui font plus la qualité, tu vois, c'est non, comme ça oui, chacun. Pas ça, moi. Ah oui, bien sûr Doc. Non mais Doc, il a fait au moins une centaine de filles, hein. Non mais moi je suis très fidèle. Et que des canons, attention. Ah, mais, oh, non, il n'y avait pas que des canons. Ouais, j'ai essayé. 01 42 48 5000. Combien de partenaires sexuels avez-vous déjà connus? Voici Richard Olinsky sur Fun Radio. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light. Where there's a heartbeat sound. There's a heartbeat sound. Charles Inski sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice, le chiffre d'Alice dans Loving Fun sur Fun Radio. On va parler des partenaires sexuels ce soir dans le chiffre. Attention, on ne veut pas de mytho. La vérité, rien que la vérité. N'hésitez pas à réagir. De quoi il s'agit exactement ce soir, Alice ? Eh bien, écoute, apparemment, il y a 10% des gens qui ont eu plus de 20 partenaires sexuels. Il faut savoir que la moyenne en France, c'est 9,5. Donc, c'est une moyenne, hein, d'où le et demi. D'accord. Mais comment ils font avec la demi ? Ouais. Bah, c'est une moyenne, donc il y a certaines personnes qui en ont eu 10, d'autres 8, voilà, mais une moyenne. Bien sûr. Mais alors, Elle répond à ma question. Ah bah, elle est tout le temps gentillesse. Voilà, je suis très, très avenante. Alors, ça veut dire que si tu commences à dépasser, si tu arrives à 20, t'es plus que dans les 10%, quoi. Exactement, il n'y a que 10% de la population qui a eu plus de 20 partenaires sexuels. C'est vrai que 20 partenaires sexuels, ça commence à faire pas mal. C'est déjà pas mal. Dites-nous justement combien de partenaires sexuels vous avez eu, quels souvenirs vous en gardez, est-ce que c'était une bonne chose pour vous d'en avoir plein ou pas, au contraire. Pour regretter, Kevin est avec nous. Bonsoir Kevin. Oui, bonsoir. Bonsoir Kevin. Ça va, Karel. Bah, ça va. Équipe, ça va. Ça va bien, oui, Kevin. T'es en Franche-Comté, toi. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça s'entend rien qu'à ta voix que t'es un gros niqueur. C'est vrai, en plus. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Combien de partenaires sexuels tu as eu dans toute ta vie ? 18. 18 à 23 ans. Enfin, c'est pas ça, c'est. Hein ? Bah non, mais. Dis-moi, comment tu fais ? Tu les comptes ? Tu fais quoi ? Tu en coches à chaque fois ? Tu fais quoi ? Non, bah tu t'en. À force de te les rajouter, quand tu délires avec les potes ou quoi, quand on te demande. Ouais, quand ma copine, elle m'a demandé, je lui dis la vérité. Elle sait que j'en ai dit. Bah, c'est la 18ème. C'est horrible. La vérité. Tu es la 18ème. Numéro 18. Moi, je lui dirais pas en voir deux, je vais être la 20ème, quoi. C'est chiant. Ah, mais ça doit être insupportable quand t'es une nana et que t'entends ça, quoi. Bah non, faut dire la vérité. Et ça c'était... se trouve, c'est le 15e, lui, hein. Ouais, non, mais après, tu sais, il y a un truc aussi, c'est quand t'as des aventures, voilà, enfin, des histoires qui durent longtemps, pendant de nombreuses années, bon, bah voilà, en attendant, comme t'es. C'est ce qui m'arrivait, moi. Ouais. Je suis resté longtemps, j'ai pas fait de conneries. Ah, tu l'as fait quoi, alors? C'était juste ma deuxième fois, je suis resté 2 ans et demi avec, j'ai rien fait, mais après, pendant 2 ans, bah, je vais rattraper le temps perdu. D'accord. Et alors, après avoir fait l'amour avec 18 filles, tu dirais que, à chaque fois, c'est différent? Ouais, franchement, ouais. Complètement. Et l'âge aussi. L'âge joue beaucoup. L'âge joue beaucoup, c'est-à-dire que t'as remarqué que plus la personne était âgée, mieux c'était, ou au contraire? C'est pas spécialement, non, c'est différent, moi. Ils veulent pas la même chose, en fait. D'accord, qu'est-ce qu'il y a, vas-y. Une fille de 18 ans jusqu'à 33, c'est différent. Ah, toi, c'est 18-33, donc c'est quoi? C'est quoi la différence? Ouais, vas-y, moi, vas-y, raconte. 23, ma copine est à 31, donc ben, ils veulent pas la même façon de faire. Une fille de 31, elle n'a pas les mêmes demandes du tout qu'une fille de 18 ans. Mais quelle demande est là, cette fille? Ah oui, demande, vas-y, dis-nous là. Ben, c'est-à-dire qu'une fille de 31, elle veut plus de la douceur, plus tranquille, quoi. Ou d'un coup, ça va être complètement l'inverse. Une fille de 18 ans, ben, tu vas et puis voilà. Oh là là! Je suis pas sûr de ça. Alors, évite de faire des conclusions trop hâtives. Hein. Je pense qu'il y a une. Je pense que chaque femme est différente, c'est tout. Guenièvre. Attends, Kevin. Guenièvre est avec nous. On va accueillir tout le monde parce qu'il y a beaucoup de réactions, sinon on va pas avoir le temps. Et Guenièvre, je sais qu'un prénom comme ça s'oublie pas. Elle était venue à l'émission de Saint-Brieuc. Oui. T'es là, Guenièvre? Oui. C'est bien toi qui étais venue à l'émission quand on était en Bretagne. Ah bah il y en a pas 36 000. Eh bah voilà. Cool. Guenièvre, 22 ans de Morlaix. T'as eu combien de partenaires sexuels, Guenièvre? Un seul. Premier copain, première relation. Putain, ok, ah. D'accord. Et tu 22 ans. Bah ouais, à 22 cool. ans. Tu l'as fait à quel âge ta première fois? Ça fait 3 ans que je suis avec mon copain, donc bah du coup j'ai fait il y a 3 ans quoi. D'accord. Donc, et 19. Et tu regrettes pas du tout d'avoir connu qu'une seule personne? Non, du tout. Ok, et pourtant c'est pas non, la plus non, posée. Honnêtement, je me vois pas aller ailleurs et ne pas avoir eu d'expérience, avant, ça me dérange pas. Il n'y a pas le côté, t'as couché avec combien de personnes avant moi, je suis pas ta première, pourquoi tu parles encore avec ton ex, parce que je suis pareil, je suis ta première avec aussi. Ouais, c'est vrai que quand ça se passe comme ça, c'est pas mal. Non, d'aller penser qu'il faut... de penser qu'il faut de nombreux partenaires pour avoir l'expérience, être un meilleur amant, une meilleure maîtresse, entre guillemets, c'est complètement débile. Bah non, des fois c'est pas voulu, hein. Y a des gens qui ont plus de 20 partenaires, mais c'est parce qu'ils ont cherché, c'est juste qu'ils sont pas tombés sur les bonnes personnes. Je te dis pas le contraire, je dis simplement que voilà, c'est pas une question de nombre. Ah bah non, ça c'est sûr. Bah, et moi, perso, j'en ai eu une vingtaine, et c'est clair que ça va rien dire, quoi. Enfin, je sais pas. Bah, c'est pas mal, hein, bravo. Ouais, non, mais tu es dans le 10%, quand même. Bah, voilà, écoute, ça me fait plaisir. Je suis là pour attraper Guenièvre, là, on a eu qu'un. Hein. Donc, faut bien. Voilà, pour l'instant, faut bien l'équilibre. Bah, faut compenser, Guenièvre. Bah, pour arriver au 9,5, faut bien compenser. Eh bah, c'est ça. Steve est avec nous aussi. Steve, 28 ans de Nantes. Bonsoir, Steve. Salut la famille. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Steve, combien de partenaires sexuels dans ta vie? Eh bien écoute, ben 16. 16 c'est bien déjà. 16. 16. Mais t'arrives à compter, ouais. Hein, putain, sans déconner. Ouais. Moi je fais ça à la louche, hein, franchement. Ouais, enfin, on en a que 10. Après, t'as mis combien par louche? Non mais comment? Sérieux. T'sais, je demande à Karel, il dit je fais ça à la louche. Je lui demande combien il en met par louche. Karel, il compte plus. Non mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, quand tu commences à 17 ans, enfin je sais pas, t'oublies après, il y en a un an. Ça vous arrive pas d'avoir j'ai commencé, j'avais 15 ans et demi, ma première que je respecterai tout le temps, parce que voilà, c'est toujours la même. Hein. Ouais. Et puis après, il y a les soirées, il y a les anniversaires, il y a les... Ouais, il y en a qui comptent moins que d'autres. Ah bah ouais, non. Puis il y a des ratés aussi, quoi. Je veux dire, il y a des moments où tu la mets dans l'eau, tu la mets dans les 18, mais finalement t'as pas fait grand chose, hein, Steve. Aussi. Hein, est-ce que t'as toujours mis des capotes? Oui, j'ai toujours mis des capotes. Bah ça c'est toujours. Bien. Caroline aussi est là. Salut Caroline. Salut Caroline. Salut. Salut Caroline. Salut. On a du 18, on a du 1, on a du 100 avec Doc. Caroline. Moi, j'ai rien dit du tout. T'as pas besoin de le dire, Doc, je le sais. Caroline. Rien du tout. Ouais. Attends. Ouais, Caroline, je peux poser la question au Doc? Je sais pas. Hein, Caro? Oui. Hein, oui. Je m'en fous, moi. Non, mais attends, je vais te répondre. Vas-y, réponds-moi. Ce qui m'intéresse, c'est la relation que je vis là maintenant. Avant, ça compte pas. J'en ai rien à foutre, c'est tout. Ça ne compte pas parce que ça n'a pas vraiment compté. Le problème n'est pas là. Bien sûr, mais tu as eu plusieurs partenaires sexuels dans ta vie. Oui, forcément, on va pas dire le contraire, mais bon, voilà, ça faisait un moment. Non. Bien sûr, c'est ce que je vis là maintenant. L'histoire que tu vis avec Catherine est plus importante et te fait oublier le reste. Carrément. Mais te fait oublier les 50 autres. Et quand on aime, on compte pas. Voilà, Caroline. Tu vois qu'on y arrive, finalement. En force de travailler un peu le dossier. Caroline, toi, t'en es à combien à 24 ans, là? Cinquième. Ah bah voilà, 5. Et aucun regret sur personne? Non. À chaque fois c'était quelque chose que tu voulais, c'était ouais. Pas forcément un coup d'un soir? Non. Dans l'eau, y a eu des sex friends, si je puis dire. D'accord. Et il y en a, c'est des vraies relations. Et est-ce que t'as déjà eu des sex friends qui sont transformés en véritables amoureux, toi? Non. Ah ouais, jamais? Pourtant, moi, j'ai toujours tendance à penser que les sex friends, ça se termine toujours en couille, le truc. Hein. Au bout d'un moment, il y en a un qui finit par s'attacher, quoi. Oui, ça ne s'appelle pas finir en couille. Oui. Si, on peut s'attacher, mais non, ça ne part pas sur une histoire. Si à la base, c'était ça, ça ne part pas sur une histoire. Et est-ce que tu as une copine à toi, je ne sais pas, qui l'a déjà fait énormément de fois? Ouais. Et c'est Nadège. Nadège qui est avec nous, on va l'accueillir. Bonsoir, Nadège. Salut, Nadège. Salut, Nadège. Alors... Nadège, dis-nous la vérité. How many? 30. Ok, 30. Donc Nadège, elle est dans les 5%. T'es sûr qu'il y en a 30? C'est pas 29, c'est pas 31. C'est sûr et certain. T'as compté. Si on additionne la longueur de 30 sexes, mais non, on arrive à quelle distance exacte? Mais n'importe quoi. Plus de 2,20 mètres dans son vagin. Mais non. C'est incroyable. Record du monde. Non mais c'est pas la queue leu. Bah oui, attends. Nadège, une trentaine de mecs quand même, donc t'as pas chômé, si je peux me permettre. Alors attends, faut savoir que je suis restée quand même 10 ans avec le même. J'en ai 13 dans mes 23 ans. Okay. C'est après que monsieur me délaisse, en fait, j'ai rompu. Et après, clairement, pendant 3 mois, ouais, j'ai enchaîné, ouais, je me suis fait plaisir. Pendant 3 mois? Mais du coup, attends, tout s'est passé pendant 3 mois? En gros. Ah ouais. C'était quoi? C'était un par jour? À peu près. Ah ouais, Nadège. Et tu les trouvais comment? Tu les trouvais comment? Via les sites internet, trucs comme ça. T'es d'où, Nadège? Ça intéresse Karel. T'es d'où? Saint-Étienne 42. On déménage. Ah, je savais qu'il fallait devenir stéphanois cette année. Mais bien sûr, Nadège, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un dans l'équipe qui s'est amusé à calculer. Ouais. À raison de 30 kékettes de 17 cm. C'est-à-dire que c'est quand même une moyenne haute. Ouais, ouais, ça bon. Nous fait oui. 5 m10. Record du monde, bravo Caroline. Pardon Nadège, j'ai dit Caroline, mais pas du tout, c'est Nadège. Nadège, merci pour ton témoignage. De rien. On s'en rappellera. Ah ouais, non, mais sans déconner. C'est quand même. Il n'y a pas de tabou, après voilà. Bah, bien sûr, mais t'as raison. Mais tout le monde. Pendant 10 ans, je ne peux pas bouger une oreille, j'étais gentille. Et maintenant, est-ce que tu bouges une oreille? Ou deux. Ah non, parce que ça fait 5 ans que je suis donc avec le papa de mon fils. Ben voilà. Il y a mon fils a 3 ans et il est autiste. Donc ça va être compliqué. Et bah ouais, non mais juste la question que du coup Doc y a répondu là tout à l'heure. Est-ce que toi, Nadège, avec 30 partenaires comme ça, t'as eu le sentiment de t'y connaître un petit peu plus, d'avoir plus d'expérience ou au contraire? Non, parce que déjà, de toute façon, avec mon ex, j'ai déjà pas mal expérimenté la chose. Ouais, ouais. Bah oui, en 10 ans. J'ai l'impression que tu es devenue une experte. Elle est incroyable, cette Nadège. Nadège, on t'embrasse et on te fait des gros bisous. Moi aussi, bisous à la famille. Salut. Bisous, bisous. Combien de partenaires, Alice, d'ailleurs? Je t'ai pas posé la question. Moi, j'en ai eu moins de 10. Moins de 10. Et ouais, j'ai commencé assez jeune, finalement, mais voilà, je fais attention, je ne me donne pas facilement. Je ne m'offre pas à qui veut. Exactement. Et toi, Kassim, alors Kassim qui se fait passer pour le gros serial nicker. Je suis un gros serial nicker. Combien? Ouais, ouais. Non, mais en fait, le problème, c'est que moi, je mets des 10 puissance quelque chose. Ouais, le problème. Voilà. Donc, on est à environ, pas autant que Doc, parce que jamais je pourrais atteindre le maître. Mais. Il t'a tout appris, maître Doc. Mais, non, il y en a une petite cinquantaine, quoi. Oh ah ouais. Là là, c'est pas possible. Cinquantaine. Ouais, mais elles n'étaient pas toutes consentantes. Oh, ouais. Kassim, putain! Kassim, tu. Hey, oh, non, mais c'est pas vrai. Tu finis pas à la saison, je te le dis. J'espère bien. Déjà, tu ne seras pas là demain. Voilà, avec ce que tu viens de dire, tu Alice, es puni. Monica, 15 ans de Guyane, est avec nous. Bonsoir, Monica. Bonsoir. Salut, Monica. Salut, Monica. Tu nous appelles pourquoi? Oui, je vous appelle pour savoir. Comme j'ai des boutons au niveau de la vierge, je voudrais savoir comment ça pourrait s'arracher. Hein. Ah, attends, parce que tu t'appelles Monica, tu nous appelles de la Guyane, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Et c'est où tes boutons? Au niveau de la vierge. La vierge, mais tu t'appelles Monica. T'es un mec? Non, comment on va dire ça? Au niveau de la chatte, quoi. Ah oui. Au niveau du vagin. Si tu t'appelles Monica, voilà. Tu n'as pas de verge, enfin, Monica. Peur, mais ça donne envie aussi. Bien sûr. Après, peut-être que voilà. Suis, comme je suis un peu fatiguée, donc c'est normal. D'accord, ok. Bah, en même temps, confondre une verge et un vagin, quand t'es une fille, c'est un peu. T'es très, très fatiguée, ma chérie. Reste avec nous, on va t'aider. Un petit bouton, là, au niveau du vagin. Doc va percer tout ça. En attendant, c'est dégueulasse ce que je dis. Voici Pitbull et Florida. Mr. 305, Flo Rida and Lunch Money, 3 Miami boys, you know what time it is. Give me the green light, cause I'm ready to go, let's have a good time, what you waiting for, you only got one life, and we gon' live it up, so give me the green light, cause I'm ready to go. Dream, I want them loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up, so give me the green light. Cause I'm ready to go. Serena Venus, glow a genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, slide out, rally stripes, Cindy 500 pound out. Hey, red light, green light, everybody take a shot. Red light, green light, give me everything you got. Soul, Florida sur Fun Radio. Love You Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. 01-42-48-5000. On va voyager là maintenant. On va en Guyane avec Monica. Elle a 15 ans. Elle nous appelle de la Guyane. Bonsoir Monica. Bonsoir. Salut. Salut Monica. Alice, tu vas bien? Oui, ça va, je te remercie. Voilà, ça va. On est en Guyane française. Est-ce que tu peux nous dire quelle heure il est? Là, il est 16h40. 16h40. Okay. Et le pire, oui. Quel temps fait-il? Ouais, vas-y, fais-nous rêver. Pardon? The weather. Alors, le temps. The sunny shining in Guyane française? Oh, le temps. Attendez, il est ensoleillé. Ensoleillé. D'accord. Voilà. Ah, bien ensoleillé. C'est pour ça que je suis fatigué. D'accord, mais. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? En fin d'après-midi, t'es déjà crevé. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, voilà. J'ai des boutons au niveau du vagin. Au niveau de la vulve? Voilà, si vous préférez. Est-ce que tu te rases? Photo. Bien sûr. Photo, envoie une photo. Si tu te rases, déjà, tu te rases souvent? Bien sûr. Alors, ça peut générer des micros. Souvent, mais je me rase. Oui. Alors, si c'est des boutons, c'est sur le poil, sur la base du poil? Oui, aussi. Et ben voilà, c'est parce que... Aux alentours de les lèvres aussi. Ah, de la verge, oui, d'accord. Non, mais arrête avec cette histoire de verge. Non, c'est pas des verges, c'est des lèvres. Hein. Okay. Ah, des lèvres, d'accord. Tu n'as pas de rapport sexuel, si? Non, je n'ai jamais. Jamais, donc tu es vierge. Très bien. Non, je pense que ces petites affections cutanées qui peuvent être favorisées par le rasage parce que ça génère des inflammations, ce qu'on appelle le follicule pileux, c'est-à-dire ce qui génère la pousse du poil. Et pour ça, non, il faut... mais même avant d'avoir commencé à me raser... Alors, il faut voir l'étendue, est-ce qu'il y en a 1, 2, 10, 20, c'est pas pareil. Est-ce que parfois il y a du pus qui sort de là? Oh oui. Oui, c'est des petites infections, c'est des microkystes ou des choses comme ça. Il faut désinfecter, puis éventuellement faire un examen et donner un traitement plus agressif. Ça fait combien de temps que ça dure? Non, ça fait longtemps. D'accord. J'avoue que j'avais peur de zapper. Mais non, mais il faut voir le médecin, et pour le mot d'infection, en tout cas, à ce niveau-là, ça peut arriver. Le rasage, je répète ce que j'ai dit, n'arrange pas les choses, parce que cela génère des inflammations des follicules pileux, ce qui génère la pousse du poil. Donc il faut déjà, dans un premier temps, bien désinfecter avec genre chlorhexidine, peu importe laquelle, mais après, je peux pas te dire, c'est l'affaire du médecin local, de celui qui est chez toi, qui doit examiner ça et te donner un traitement. Tu veux pas montrer ton vagin, ta vulve? Si je devais le montrer au médecin? Bah oui. Oui. Ben non, c'est pas possible. Voilà. Ah bah pourtant... Alors va voir au moins une femme ou une sage-femme, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. Une dame. Oui, je préfère, mais... Avoir une dame, non, mais médecin, j'ai pas dit un médecin, mais un médecin femme, je comprends. Tu as quel âge? 15 ans. J'ai 15 ans. C'est normal, à ton âge, on n'a pas envie de se montrer nu devant un médecin. Alors qu'en fait, c'est une nécessité, car il faut trouver une solution, tu es d'accord? D'accord. Donc, il faudrait que tu ailles consulter un médecin, si possible une femme, voire une sage-femme, parce qu'elles peuvent aussi s'occuper de ça, pour qu'elles examinent, fassent le diagnostic, confirment que c'est une infection, et te donnent un traitement adéquat. Ok. D'accord, Monica. Bon courage. Eh ben, gros bisous et bon courage à toi, Monica. Salut, Monica. Attends, il y a Thomas qui veut te dire un truc d'autre auditeur du soir. Reste avec nous, Monica. Qu'est-ce que tu voulais dire, Thomas? Bah, moi, j'aimerais bien sortir avec Monica parce que, en fait, t'aurais l'impression de manger une huître quand. Quoi? T'aurais l'impression de manger une huître? Quand tu la laisses. Ok, d'accord. Ah ouais, non, mais c'est-à-dire que Thomas a décidé de faire dans l'humour ce soir, mais l'humour un peu dégueulasse. Hein. C'est pas grave, mon Thomas. Oui, oui. Ah bah oui, Monica, tu es choquée. Hein, moi aussi, je suis choquée. Bien sûr, attendez. Je dis ça comme ça, il y a des limites. Il y a des limites, ah, Thomas. Ouais. Thomas, tu dépasses les limites. Excuse-toi tout de suite. Je m'excuse. Monica, il s'est excusé. Ça va, elle était pardonnée, mon poteau. On t'embrasse très fort, Monica. Salut toute la Guyane. Merci. De notre part. D'accord, okay, salut. Salut, Monica. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Et moi, je me suis posé une question en écoutant Monica. Ça doit être un traumatisme pour les filles d'aller voir un gynécologue. Un médecin, oui, bien sûr. Mais même pour les garçons. Les garçons n'ont pas envie de se faire examiner. En fait, à l'adolescence, c'est très important à expliquer clairement, peut-être dans les écoles, chez l'infirmière, qu'il est important de se faire examiner, y compris la région sexuelle, parce qu'il y a des choses à voir. Ouais, mais bien sûr. À ce moment-là, pour une fille, je comprends qu'elle souhaite plutôt voir une femme. Je comprends ça tout à fait. Si vous êtes dans un internat, c'est le moment de nous appeler. On va faire la question de l'internat. Venez représenter votre bahut, là, votre lycée, votre collège. 01 42 48 5000. Il y a du cadeau pour tout l'internat avec distribution de capotes. Je ne vous dis que ça. N'hésitez pas. La question de l'internat, c'est dans un instant. Et j'avais promis, on va l'écouter. The Parakeet sur Fun Radio. The Parakeet dans 3 minutes. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Enzo, le Night Show sur Fun Radio. Le monde est en train de plonger dans le chaos. Salut, c'est Marion et Enzo. Cette semaine, pour la sortie du film Vert Émeraude, gagnez 400€ de vêtements American College. Et c'est pas tout, Marion, puisque vous gagnez aussi le DVD du film. Oh, j'aime le vert. Le vert pomme. Le vert d'eau. Le vert Saint-Gétorix. Le vert de terre. Le vert micelle. Le vert... J'ai gagné. Tous les soirs, 22h minuit, here we go. Marion et Anso, le Night Show, sur Fun Radio. Bah retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun, sur funradio.fr. This is Lara Croft. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Le salon français du jeu vidéo du 27 au 31 octobre 2016 à Paris Expo, porte de Versailles. Venez découvrir en avant-première avec les jeux vidéo les plus attendus de la fin d'année. À la Paris Games Week, le jeu vidéo fait son show. Avec Fun Radio. Ok. Fun Radio. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. No. Mama, no, I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Karel et Alice. 20h, 22h. Love and fun. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun, dimanche soir à la cool. Profitez bien de votre soirée tout le monde. Love in Fun au 01 42 48 5000. Et avec vos messages sur les réseaux sociaux, vous nous envoyez des messages sur le Facebook de l'émission, le Twitter et le Snapchat. C'est parti les petits messages, Alice. On a reçu un message de Théo. Des fois quand je fais pipi c'est tout jaune et d'autres fois bah, c'est transparent. Pourquoi c'est jamais pareil? Parce que ça dépend de la quantité d'eau bu. Si tu bois beaucoup, tu vas uriner plus. Les urines vont être diluées. Si tu bois peu, bah, le rein fait son boulot. Il restreint l'élimination des urines, en quelque sorte, je peux vous donner les détails. Et donc, forcément, les urines sont plus concentrées. Donc, il faut boire beaucoup, 1,5 litre par jour, ça je le dis tout le temps, parce qu'on sait que, par exemple, 2/3 des lycéens, des collégiens ne boivent pas suffisamment. Ils ne sont pas bien hydratés, ça vaut aussi pour l'école primaire. Donc, buvez 1,5 litre d'eau par jour. Il y a un autre message de David qui, lui, boit beaucoup, mais toujours des boissons gazeuses, et se demande si ça peut être dangereux pour sa santé. Si c'est plein de sucre, oui. L'excès de sucre nuit à la santé. Et si c'est que de l'eau gazeuse, par exemple? Aucun problème. Et le Red Bull, Doc, souvent... C'est du glucose avec de la caféine et de la taurine. C'est une horreur. C'est quoi la taurine? C'est les couilles du taureau, il paraît, non? Oui, c'est, bah, oui bien sûr, mais tu peux... Bah, oui. Bah, va dans les corridas, ça naïf. Non, tu mais attends. Je pense que ça peut donner des couilles aussi grosses que celles d'un taureau. Non, c'est pas ça, mais enfin moi, je sais pas, j'avais entendu dire que en fait la taurine. Sperme de taureau. Non, et pas le du sperme. Non, mais c'était une glande dans le truc dans les couilles du taureau. Non, c'est un acide aminé tout simplement. D'accord, ok. Ça s'appelle la taurine. T'as on m'a menti alors. Ah bah on nous fait croire. Carrément, on t'a carrément. Non, heureusement que t'es là pour établir la vérité tous les soirs. Oui, bien sûr, on va accueillir Julia sur Fun Radio. Julia, elle nous appelle d'Angers, elle a 23 ans. Bonsoir Julia. Salut. Bonsoir Andog, bonsoir Karel, bonsoir Alice. Si vous voulez faire comme Julia, passer sur l'antenne, poser une question, là 01 42 48 5000. Julia, tu es ici chez toi, c'est ton émission, tu fais ce que tu veux, vas-y lâche-toi. D'accord, merci. Bah, moi, mon problème, c'est que depuis quelques mois, j'ai des poils qui poussent sur les joues et sur les seins. Mais combien? Ah, sur les seins? Quelques-uns? Bah, quelques-uns, mais bon, du coup, je peux pas les garder, donc D'accord, alors, tu peux les épiler au niveau des seins, ça arrive chez... Oui, mais toi, c'est pas pareil. Regarde, Doc, j'ai pas de poils filles, sur les seins. Il y a des filles qui ont parfois quelques poils qui poussent au niveau de l'aréole, au niveau du sein, donc ça, c'est pas très grave, c'est inesthétique, on est complètement d'accord. Donc il faut s'épiler, c'est la première chose. Ou les décolorer. Moi je le conseillerais aussi, plutôt de les décolorer à la limite pour éviter des problèmes par la suite. Si accéder à l'épilation définitive, ouais, pourquoi pas. Mais c'est beaucoup plus. C'est quoi ça? C'est Chewbacca qui s'exprime et qui est content d'avoir des solutions ce soir. Des amis poilus. Et sinon au niveau des joues, alors c'est plus embêtant. Si c'est 3-4 poils, ça va. Si la pilosité est celle d'un homme, par exemple, là, ce n'est pas normal. Eh mais souvent, j'ai remarqué. Et là, il faut faire des examens. Les grand-mères, tu sais, les grand-mères, elles sont limite une vieille beubare, quoi. Elles piquent. Mais c'est justement parce qu'il y a certaines filles qui, plutôt, ont fait n'importe quoi, se sont rasées, se sont épilées, et puis par la suite, Surtout pas se raser. Bah, c'est ça. Ouais. Parce que plus vous rasez, plus vous stimulez la pousse du poil. Mais moi, j'avais une copine comme ça, elle avait des poils, beaucoup de poils autour des tétons, elle en avait sur le ventre, elle en avait sur les joues. Bah, ça dépend. Il y a des personnes très mates de peau qui ont un duvet qui est finalement très noir. La décoloration en général ça marche pas trop mal parce que finalement le poil visible. Est blond et ça évite d'avoir un poil qui devient de plus en plus dur sur des parties assez gênantes quoi. Ouais, voilà. Décoloration c'est le low cost de l'épilation. Parce que toi Julia là, tu traitais ça comment? Tu rasais? Tu faisais quoi? Bah, on m'a toujours dit de pas raser, mais du coup j'épilais parce que c'est vraiment gênant. C'est déjà pas mal, mais ça repousse. Mm. Et en tout cas, la solution soit du laser, soit de la décoloration avant, en tout cas, permet de faire que ces poils soient moins visibles. Et ça t'a gêné déjà avec un mec? On t'a déjà fait la réflexion hein? Oui, on m'a déjà fait la réflexion et j'y ai vraiment très mal pris. Ah, normal. Ah bah ouais, c'est sûr. Ouais. Genre, excuse-moi, je m'en vais, t'as des poils, c'est pas ouais, terrible. Non, Mais mieux vaut essayer de décolorer avant même d'épiler. Comme ça, le poil est encore en mode un peu poil duvet. Et puis, c'est vrai que c'est d'autant plus prenant que souvent, les filles se rasent même le pubis. Et je pense que très souvent, la plupart du temps, peut-être pas toujours, c'est un peu sous la pression des mecs pour leur faire plaisir. Je pense que c'est surtout qu'après, on a vraiment, c'est une phobie des poils, quoi. On est tout le temps en train de vouloir enlever les poils aux aisselles, les poils aux jambes. Donc, du coup, forcément, après, il y a certaines filles ça, qui veulent tout enlever, quoi. Oui, qui veulent tout enlever, mais bon, voilà. En tout cas, faut pas tout enlever, hein. D'accord, Julia? D'accord. On les aime, tes poils, nous, Julia. Mais oui. On te fait des gros bisous, ma chérie. J'espère que tous les conseils tu es satisfaite? Oui, je pensais pour la décoloration. Eh ben voilà. Eh ben je te fais des gros bisous, Julia. Bon début. Je t'en prie. Salut à toi, Julia. Thomas, toi aussi, t'as des poils, l'autre auditeur du soir, hein, mon poteau. Hein. Bah oui, quand même. Hein, tu décolores pas, toi. Hein. T'es bien fier de tes poils. Hein. Bah ouais. Tu rases ou pas? Est-ce que t'élagues un petit peu? Non. Ah, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font ça aussi, qui se rasent au niveau des testicules. Et toi, tu fais pas ça? Bah, pas encore, parce que je suis capable de me couper, donc. Non, oui, alors, ça, on va éviter. Évite, ouais. Hein, dans un instant, on va avoir Florian. Florian qui sera avec nous, 15 ans de Limoges. Allô, Florian? Ouais. Florian, t'es là, t'es en direct de l'internat, hein. Ok, en direct de l'internat à Limoges dans un instant, et on sera avec lui. Vous restez bien avec nous, il va poser une question là. L'auditeur du soir aussi qui reste avec nous. Et en attendant, j'avais promis The Parakeet. Voici Save Me sur Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Save me, save me. Leave me again. Save me sur Fun Radio. Love in fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Et tous les soirs, on se retrouve avec la question de l'internat. On va se diriger tout de suite direction Limoges, où nous devrions retrouver Florian. Oui. Florian, t'es là? Il est pas tout seul. On est à l'internat Antoine Saint-Exupéry à Limoges. Bonsoir les gars, ça c'est dimanche soir. Vous êtes tous déjà rentrés là? Ouais, pas tous. Oui. D'accord, il y en a qui arrivent. En tout cas, c'est la fête. Hein. Bah oui, non, mais bien sûr, c'est ça l'internat. Ça va, vous êtes tous potes là-bas. Hein. Ouais. D'accord. Alors, qui c'est qui gagne le concours de branlette collective là régulièrement le soir? Personne. Ah, d'accord. Je savais qu'il y en avait un qui gagnait. C'est quoi la question que tu veux poser, Florian? La question de l'internat. La question de l'internat, ta gueule. La question de l'internat ce soir, c'est quoi? En fait, j'ai un grenet, il paraît que j'aurai une grosse bite. Ah, voilà. Ah bah oui. Ah bah alors là, Doc, on est bien servi. Je ne sais pas, c'est pas juste entre les deux. C'est ça votre question, si t'as un grenet, t'as une grosse bite? Ouais. D'accord, est-ce que c'est vrai ou pas, Doc? Non. Et les grands pieds? Mais c'est... Non, non plus. C'est quoi une grosse bite pour toi? Florian, c'est quoi une grosse bite? Quoi? C'est quoi une grosse bite pour toi? Combien de centimètres? Oh, mini. Bah, 25. Ah oui. Ah, faut avoir un très gros nez alors. C'est petit, 25. Ouais, c'est vrai. C'est pas grand, 25. C'est petit. Les gars, on vous envoie les capotes à la maison, d'accord? Enfin, okay. À l'internat, hein, comme ça vous allez bien vous faire pourrir. Non, je déconne, hein, on va vous les envoyer direct à la maison. Je vous fais des gros bisous, vous voulez gueuler un dernier coup? Vous pouvez le faire. Alors? On entend l'écho. C'est ça. Salut les gars, et je vais remercier Alice. Quoi? J'ai entendu Alice. Il y a un super rire là-dedans. Ouais. Thomas, notre auditeur du soir que je vais remercier, qui a fait l'émission avec nous. Ouais. Thomas, tu veux passer toi aussi un petit message là ce soir? Profites-en. Ouais, Bah, petit message à tous les Dunkerquois qui me reconnaîtront et aux célibataires dunkerquoises, appelez-moi. Ah, attends. Le mec se place, quoi. Carrément. fallait dire en début d'émission, ça, mon pote, si tu cherchais quelqu'un. Elles ont pas ton numéro, hein. Thomas est un cœur à prendre, il a 17 ans, il est à Dunkerque. Si vous êtes intéressé, les filles, 01 42 48 5000. Je te fais une grosse bise, mon Thomas. Bisous, à la prochaine. Salut, salut. C'est ta gentillesse, ta fidélité là tous les soirs sur Fun Radio. On va se retrouver dès demain à partir de 20h, comme tous les soirs, 20h, voilà. 22h, Love in Fun sur Fun Radio. Après Love in Fun, il y a le Night Show avec les deux filles qui débarquent. Mario et Anso. Salut. Bonsoir les filles. Bonsoir. J'ai l'impression que les cachets du doc ont vraiment marché, en tout cas. Ah, t'as remarqué, hein. Merci beaucoup. Mais attends, mais c'est quoi cette maladie qui dure 6 ans? Non mais attends, là ça va là, franchement. Ah ouais, non, mais si, non, sa voix n'est plus cassée, là, tu peux pas tout avoir. La voix n'est plus cassée. Ah oui, c'est vrai. La voix est juste nasale. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas désagréable. Ah, c'est juste des kilos de morphes qui sont accumulés. Mais quel que soit le problème de Karel, voilà, Anso trouve ça toujours génial. Oui, hein, c'est vrai. Hein. J'ai remarqué aussi, Doc. Ouais. Plus maintenant, aussi. Du coup. Je plaisantais, ouais, bien sûr. Je vous fais des gros bisous, les filles. À demain. Salut. Bisous. Salut tout le monde. Avant, le dimanche, c'était téléfoot, repas de famille chez les grands-parents, interminable. Michel Drucker, un film le soir qu'on a vu 22 fois. Un bon dimanche bien moisi, comme on les connaît, quoi. Alors moi, j'ai décidé de casser la routine. Tiens, viens là, la routine. Donc, pour un dimanche réussi, vous allumez votre radio et vous écoutez le Night Show de Marion Yanso. Ça commence quand? Eh ben, maintenant. Tous les soirs. 22h minuit. Welcome to the Night Show. Marion. Et Anso. Et Anso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. On est de retour. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Fun Radio. C'est un kiff de vous retrouver là. Moi, j'adore le dimanche soir. Oh. Moi aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai cette ambiance cosy là. J'ai l'impression qu'il y a que nous. Déjà, il y a que nous à la radio. Donc ça doit faire ça avec l'équipe de Love in Fun. Et ben, on se sent soudés comme ça. On se sent bien et on a envie de vous accompagner comme ça vers la route du lundi qui est très dure. Oui, c'est vrai, mais on se sent tout coton, on est bien, c'est comme si on dormait dans un nuage. Parce que la nuit du dimanche au lundi, franchement, c'est la plus hardcore, surtout si vous avez cours tôt ou si vous avez le taf tôt. Donc voilà, soyez avec nous, on va vous détendre, on va kiffer ce soir, on vous a réservé plein de surprises. Bonsoir Anso. Bonsoir à tous et bonsoir à vous la France. Comment elle va? Bah, très bien, j'ai passé un bon week-end, beaucoup de teuf, et j'ai fait une soirée raclette chez JB, l'animateur qui fait le 16h-20h hier soir. C'était hyper sympa. Mais déjà, la raclette, il fait pas assez froid? Non, et figure-toi que j'ai eu du mal à trouver du fromage à raclette. Bah oui. Tous les fromagers m'ont dit, mais vous avez vu le temps qu'il fait. Et mais nous, on s'en fout, on est des rebelles. Ouais, vous êtes des thugs. On est des thugs, des gros thugs, ouais. Bon, et bah moi, puisque tu me le demandes, j'ai passé un bon week-end aussi. Mais j'ai vu que toi, petite femme, tu as sorti ta nouvelle vidéo sur ta chaîne YouTube. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup bossé ce week-end. J'ai sorti une nouvelle vidéo sur Marion Facecam. Donc voilà, merci beaucoup d'ailleurs pour votre soutien, tous vos petits messages et tout, ça me fait vraiment plaisir. Elle est chambée, Babber. Hein. Merci, Burr. Je te le dis. Bon, en tout cas, ce soir dans l'émission, retour du Wesh C'est Qui, vous devez faire deviner 4 stars à papa ou maman pour gagner 400€ de bons d'achat à American College. Et puis le DVD du film Vert Émeraude aussi, ouais, qui sort en DVD avec Fun Radio, il est sorti il y a quelques jours. On fera aussi un Vérité ou Vérité. Donc si vous avez des questions à poser à un membre de l'équipe, eh ben, vous nous appelez dès maintenant. Oui, c'est le principe de l'action Vérité. Hein. Ouais, c'est ça. 01 42 48 5000. Et puis on aura Fabrice aussi. Alors Fabrice, il veut parler d'un truc particulier. Il veut parler des ovnis. Il a des trucs assez chelous. Il nous en a parlé. C'est un peu flippant. On va l'écouter tout à l'heure. On va ouvrir le grand débat extraterrestre. Est-ce que ça existe ou pas? Donc appelez-nous. Et alors niveau son, alors là je suis contente. Je suis contente parce qu'il y a mon Calvin Harris. Ah bah, oui. Ah bah alors là, il est là. Découvert sur Fun Radio en plus. Hein. Le son smooth du dimanche soir, j'adore. Et il y aura aussi le dernier Lady Gaga. T'as vu son clip? Oui. Elle se défonce, hein. Là, elle est endurante, hein, quand même, Gaga. De toute façon, Gaga, elle est pleine de ressources. Je l'adore. N'importe quoi, elle est pleine de ressources. Bah oui, c'est vrai. Elle surprend toujours. Moi, j'aime bien. Ça marche. Bah quoi? Bonsoir, Amir des réseaux sociaux. Comment il va, celui-là? Est-ce qu'il a passé un bon week-end? Eh ben, il a passé un week-end plutôt cool. Franchement, j'ai passé un bon week-end. Bon, vraiment calme, mais sympa. D'accord. Bon. Et sur les réseaux, comment ça se passe, Amir? Est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce qu'on a pris un peu ce week-end? Dis-nous tout, je veux un topo. Une petite surprise quand même sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? Sur le compte Twitter Marion et Anso, ah oui, on vient de vous poster un concours qu'il faut RT et follower le compte aussi de Halo Paradise. Alors, on vous offre les jeux FIFA 17. Ah, c'est beau ça. Toutes les plateformes, Xbox, PS4, même sur PC. Et en fait, ils sont hyper cool, les gars de chez Allo Paradise. C'est hyper simple pour ceux qui connaissent pas, alloparadise.fr. Ça transforme votre forfait téléphonique en argent, parce que vous pouvez acheter soit des codes pour jouer en live sur Xbox, PC, partout, mm-hmm. ou alors acheter des jeux directement avec votre forfait. Eh, franchement, ah, c'est cool. En plus, là, ça coûte rien du tout. Un RT, vous allez follow tous les comptes et peut-être vous allez repartir avec le FIFA 17. Donc on y va, Marion et Anso partout. C'est tout facile. Bonsoir Thibaut à l'area. Coucou les filles. Alors, ce week-end, lui? Bah, j'ai beaucoup pensé à vous, comme d'habitude. Ah ouais? Et j'ai réfléchi à un truc. Ouais, je me suis dit que vous sentez tellement bon que ce serait cool d'inventer un parfum genre Marion et Anso, tu vois. Ouais, c'est pas bête. Ouais. Franchement, je serais le premier à payer pour l'acheter. Tu vois, peu importe le prix. Marion et Anso, le fragrance. Ouais, ça sentirait quoi, genre? Oh la merde, ça sentirait le bonheur, la douceur, la tendresse, l'amour, la délicatesse. Et un peu le rosé, hein. On va passer mytho. Ouais, disons qu'on aime bien la bonne vie, quoi. Des petites notes, quoi, comme ça. Hein. Bonsoir, Enzo, standard. Salut les filles. Ça va, Loulou? Ouais, super. Je suis hyper content de mon week-end. J'ai fait la rencontre de Cocotte et Minute. Ils sont devenus mes poulettes. Ah oui, alors. Cool. C'est vrai que Enzo a acheté des poules. Je vous cache pas qu'on l'a encouragé dans cette voie pour une émission spéciale qui va bientôt arriver. Ouais. Mais je vous en dis pas trop maintenant. Voilà. Non. Ce sera dimanche prochain. Je vous garde la surprise, mais franchement, ça va être une émission de ouf. Elles sont sympas alors tes poules. Très contente, ouais. Voilà. Rassurez-vous, on va pas les manger en direct ou un truc comme ça. Hein. Non, non. Non, non, on leur fera pas de mal aux animaux. Voilà. En tout cas, Cocotte et Minute, bravo. Très bien joué, Enzo. Ouais. J'aime bien les prénoms. Ouais. Ouais, moi aussi. C'est mignon. Présente-nous le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît, Enzo. Alors, c'est Anaïs. Elle a un gros coup de gueule à faire passer à toute la France. D'accord. Anaïs de Brive. Bonsoir Anaïs. Bonsoir tout le monde. Ça va Anaïs? Donc voilà, oui, très bien, merci. Et vous? Bah très bien, on t'écoute pour ton coup de gueule. Voilà, en fait, à chaque fois que je vais en boîte avec mes amis, à chaque fois, elle rentre sans demander la pièce d'identité et moi je passe à chaque fois et une pièce d'identité obligatoire. Aïe, aïe, aïe. On prend pour une mineure. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Mais non. Ah ouais. Mais c'est pas que pour les boîtes, hein. Pour les ciné, c'est pareil. Pour boire une bière, c'est pareil. Pour mais tout, tu sais, on demande ma pièce d'identité. J'ai longtemps eu le même souci que toi, qui est pas vraiment un souci parce que c'est plutôt flatteur en fait. Tu fais plus jeune que ton âge, voilà, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est chiant d'avoir tout le temps sa carte d'identité sur soi et tout. Mais moi, jusqu'à 22-23 ans, c'est sûr, on me prenait pour une mineure. Ah bon? Bah non. Ah, je te jure. Bah oui, mais toi en même temps, tu te rappelles de tes 22 ans déjà? T'es méchante. Oh, je rigole, ma belle. Non mais c'était il y a pas si longtemps que ça. Et puis de toute façon, je fais pas du tout mon âge. Je fais beaucoup plus jeune. Ouais. Mais Anaïs, c'est vrai, prends-le. Elle a raison, Marion. Ouais. Prends-le comme un compliment. Bah oui. Oui. Et puis, mais après, ça reste chiant à tout le monde. C'est surtout la honte en fait. C'est que tout le monde rentre tranquille et puis moi. Oui, mais après, c'est pas comme si tu grugeais ou que t'avais des faux papiers. Ouais, et dis-toi que. Ah non, non, ça. Au moins, toi, tu rentres. Parce qu'il y a des mecs, il y a plein de gens qui se font recal sans aucune raison, juste sur le physique. Hein. Ouais. Je te le dis franchement, ou le style vestimentaire. Bah oui, ouais. Toi, tu rentres tranquille, faut juste que t'aies ta carte d'identité. Ok, donc le coup de gueule est passé, toutes les boîtes de France sont tendues. Voilà, c'est ça. Nickel. Donc, si vous êtes vers Brive-la-Gaillarde et que vous croisez une Anaïs, faites la rentrée. Hein, voilà. Majeur. Voilà. On t'embrasse, ma douce. Merci de nous avoir appelé. Super. Merci. Bonne soirée. Bisous. Bon, dans un instant sur Fun Radio. Alors là, mais ratez pas ce moment, je vous le dis, parce qu'on va voir Christopher. Oui. Alors Christopher, il a 15 ans. Il lui arrive un truc, mais le truc le plus paix du monde avec sa copine. Il lui a tellement donné de surnom qu'il a oublié le prénom de sa meuf. Ah, j'ai du mal à y croire. Hein. Moi aussi, j'ai un peu de mal à y croire. On va découvrir ça avec Christopher dans un instant, juste après DJ Snake sur Fun Radio. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle.